Nous venons d'écouter les Pascal, un groupe japonais très sympathique. Merci beaucoup à Marie-Lou. Alors, bienvenue à Bulle de Rêve, un Bulle de Rêve un peu particulier. En fait, on a un petit peu, c'est un peu moi, j'ai demandé à Stéphane, hein, qui fait normalement l'autre émission, si je pouvais avoir le 31, l'émission du 31, puisqu'on va essayer de faire un petit débat, un petit débrief, un petit... je sais pas quoi, sur la fête de l'animation. Clémence Braillard devrait venir, on devrait parler un petit peu de ce qu'a été la fête de l'animation pendant un mois, la fête de ce cinéma d'animation. Je vous avoue que j'essaye, parce que je me dis qu'à Radio Liberté serait quand même bien, mais je sais pas si je vais l'avoir, d'avoir Tardi autour de ce micro pour qu'il vienne nous parler de Avril ou Le Monde Truqué. Je vais tout vous dire, je m'en suis pas encore occupé. Donc c'est la semaine prochaine, donc je sais pas si ça se fera, mais bon, voilà. Des gens comme ça qui nous parleraient du film, on a de la chance. Hein, en cette fin d'année, on a absolument des gens des rangs. Ouais, Ariel. Ouais, Tardi connaît le studio parce qu'il est déjà venu plusieurs fois. Bah je me doute, c'est pas avec, ça. Donc je me dis que voilà. Il y a juste dans une émission du cinéma d'animation auquel il a pas dû venir. C'est évident que Tardi ici, c'est une deuxième maison. Enfin, ça paraît une évidence totale. Donc voilà. Donc c'est vrai que je trouvais ça dangereux justement. Que lui vienne, et puis j'aimerais bien lui parler parce que Avril est un beau film. On en parlera la semaine prochaine, j'en dis pas trop, dans l'émission de Francis Gavel. Donc j'en dis pas trop sur le film, et c'est un film que je trouve intéressant, et voilà, j'aimerais lui, évidemment, lui demander lui son positionnement. Donc, en fait, je suis venu à l'émission. J'ai quand même quelques invités, je suis pas tout seul, mais en me disant, je sais pas si Stéphane va venir finalement, viendra pas, est-ce qu'on a une émission le 31? On improvise total, donc je vous préviens. Chers amis auditeurs, nous sommes en roue libre totale. Donc vous savez déjà, quand vous connaissez Bulle de Rêve, à quel point, même quand je suis pas en roue libre, je suis quand même en roue libre, donc vous imaginez ce que ça peut donner. Mais au pire, on a plein de musique pour vous, et puis on va quand même parler. Je vous ai dit dans quelle émission on était? Non, je crois même pas. Vous êtes bien à Bulle de Rêve, bien sûr, l'émission 100% cinéma d'animation, ici sur Radio Libertaire, comme je le dis souvent, ou ailleurs que sur Radio Libertaire, puisque personne ne parle de cinéma d'animation. Radio Libertaire est la seule qui nous permet, pendant au moins une fois par mois, de parler pendant deux heures de cinéma d'animation. Alors, aujourd'hui, donc, avec moi autour de la table, trois jeunes personnes. On va parler avec eux et avec elles de, je sais pas, peut-être du futur de l'animation, de ce qu'ils aiment dans l'animation. Enfin, on va encore une fois un peu improviser par rapport à ça. On a Marie-Lou Solaire. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Voilà, Marie-Lou, celle qui désannonçait. On va lui demander, voilà, de parler plus dans le micro. Vas-y, redis. Ah oui, excusez-moi, bonjour. Voilà, c'est parfait. Donc, Marie-Lou, celle qui nous a désannoncé tout à l'heure, les Pascal. Elle est à l'ENSAD, après avoir fait ses trois anciennes étudiantes de l'ESAD de Roubaix, du DMA. Et elle est à l'ENSAD en troisième année. Yes. C'est exact. Justine Wulstecker. Bonjour. Bonjour Justine. Donc pareil, hein, vous avez déjà entendu et Marie-Lou une fois et Justine une fois. Justine, elle est venue il n'y a pas si longtemps que ça. Elle nous a parlé à la fois de son film de fin d'études, Fish Don't Need Sex, et surtout elle venait pour En sortant de l'école, qui venait de sortir en salle, et son film Paris, que certains d'entre vous pourraient voir si vous êtes à Bru, puisqu'elle est en sélection à Bru, et le film passe dans quelques festivals avant. Un jour, il peut être sur Internet ou On espère. Ouais, ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Je pense dans un an. J'espère. Bon, comme ça, vous le verrez à ce moment-là. Pareil, hein, parlez bien dans vos micros et on va demander au troisième invité. C'est sa première, lui. C'est Antoine Bieber. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors, Antoine, il fait partie aussi des anciens de l'ESAT. Et lui, après l'ESAT, il est parti à La Poudrière à Valence, où il est en deuxième année. Ouais. Voilà, donc il va faire. On va parler un peu plus. On va commencer avec Antoine de parler un peu de son parcours, puisque vous avez déjà eu la chance d'entendre et Marie-Lou et Justine parler. Et puis on verra des fois, peut-être que je ferai des ponts entre ce que dit Antoine. Et Antoine, ça fait longtemps que je voulais l'inviter aussi pour parler un peu de ce qu'est le monde du cinéma d'animation aujourd'hui, qui est en changement, métamorphose, etc. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Donc on peut voir, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place, l'idée de parler aussi de ce qu'est peut-être le futur du cinéma d'animation, ou ce que des jeunes dans le monde de l'animation veulent faire. Évidemment, n'hésitez pas, si vous écoutez cette émission et si vous avez aussi à un moment donné envie de participer dans cette idée de ce que va être le cinéma d'animation demain, moi ça m'intéresse. On va commencer alors pour rassurer Antoine, comme ça voilà, il va être avec de la musique qu'il connaît, et au moins ça va être bien. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu? On va écouter. Alors je dois vous avouer aussi, je dis Antoine, je sais que Justine aime beaucoup aussi, c'est Justine qui m'avait parlé du groupe, même si Antoine en avait parlé un peu. Est-ce que tu peux nous parler? On va écouter sa barde chez les bardes du groupe Rien. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Le groupe Rien, c'est un groupe grenoblois qui, si je dis pas de bêtises, qui qui est né en 1999 et qui a décidé d'arrêter sa carrière au bout de 15 ans, enfin, qui a annoncé son décès avant même de commencer à faire des albums. C'est un groupe qui fait ce qu'on pourrait appeler le post-rock. Même si ça veut rien dire, c'est des cases. Et voilà, et c'est un groupe qui est passionnant, qui se renouvelle à chaque album et qui crée de superbes ambiances. Bon, alors donc on a choisi, là je suis désolé, j'ai choisi une chanson qui est un peu courte parce qu'il y en a qui peuvent faire 6 minutes, 7 minutes évidemment, comme dans tout ce qui est bon rock progressif justement, hein, c'est des morceaux qui s'étalent comme ça. Et donc on écoute Rien, ça barde chez les bardes. Merci beaucoup à Ariel qui est aujourd'hui le superbe réalisateur de Bulle de rêve. À tout de suite. Donc voilà, Bulle de rêve, toujours l'émission 100% animation, et vous écoutiez Rien, ça barde chez les bars du dernier album, c'est ça Antoine? Dernier album. Dernier album, donc, et a priori ça sera vraiment le dernier album. Ah, c'est fini. Voilà, c'est fini. On va demander de parler ou de rapprocher. Regarde, comme ça, t'es à l'aise, etc. Et donc voilà. Donc, 2 heures, je vous l'ai dit, hein, c'est une animation très tranquille, on improvise tranquillement autour de ce micro, même si, comme je vous le dis, et je le répète, je voulais inviter Antoine depuis un bout de temps, ça fait... troisième émission, troisième invitation qu'on se lance. C'est pour ça qu'on en profite qu'il soit à Paris, puisque évidemment il est à Valence. Ok, la question bateau, banale, qui arrive tout le temps. Tu te rappelles la première fois où tu as eu un flash et tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien faire de l'animation? Oui, évidemment. Pour moi, c'était... alors, ça va être un peu bizarre de dire ça ici, mais c'était le film Schizane de Jérémy Clapin, qui... enfin voilà, qui est à la base de beaucoup de choses encore maintenant dans ce que je fais. Voilà, c'était tout ce qu'on peut faire vraiment avec l'animation et tout ce que l'animation peut apporter au cinéma en fait. C'est-à-dire que t'avais déjà vu de l'animation avant, les ouais. Disney ou même d'autres courts métrages. Alors c'est pareil, dire ça alors que je suis à la Poudrière, c'est un peu spécial, mais en fait j'ai vu énormément de productions de Folimage quand j'étais petit. Et donc voilà, je connaissais beaucoup l'animation par ça. Pour qu'on précise bien, Folimage est le studio côté de la Poudrière, et Jacques-Rémy Gérard est un peu celui qui a poussé à la création voilà, de la Poudrière. Voilà. Et donc oui, donc La Prophétie des Grenouilles, c'est ça, ou même des courts métrages? Oui, c'est ça, La Prophétie des Grenouilles, pas mal de séries aussi, Ma Petite Planète Chérie, voilà, les débuts de Folimage, L'Enfant au Grelot, voilà, les débuts de Folimage. Donc il y a l'idée déjà d'un graphisme un peu particulier, ça marque, ouais. Oui. Évidemment. Oui, c'est oui, de voir autre chose que Disney, parce qu'évidemment voilà, je vois Disney, hein, je vis pas dans une grotte, mais oui, ça marque de voir déjà un autre graphisme que celui auquel on peut être habitué enfant. Schizane, est-ce qu'il y a déjà le plaisir, le terme est pas bon, mais il y a déjà l'histoire aussi, l'idée de ce personnage décalé qui va... On va en parler un petit peu de tes projets que tu as eu même en DM1, ouais. Ou même très légèrement, on parlera très légèrement de ce que tu fais aujourd'hui à La Poudrière, parce que ouais. Tu es en pleine création du film de seconde année, donc on va pas trop en dire évidemment, mais il y a ce plaisir-là aussi de voir comment on peut traiter en une dizaine de minutes, un peu plus finalement, bien sûr, qui est décalé dans son monde. Il y a cette idée de ce que tu dis, en une dizaine de minutes, donc le court-métrage et l'impact qu'on peut avoir en fait avec l'animation en court-métrage, je pense que c'est... Enfin, ça fait de la force du film qu'est-ce qu'ils aiment. Et après, oui, évidemment que le rapport au décalage du personnage est important dans le film, parce que c'est quelque chose que je retrouve et dans mon travail et dans ma vie. Et donc voilà, oui, ça aide à s'identifier, mais ça va, disons, l'importance de ce qu'ils aiment va plus loin que ça. Mais c'est certainement l'accroche, oui. Et il y a déjà l'idée de... Parce que c'est pas évident, court-métrage, là tu le découvres quand? Tu découvres que t'es un peu âgé? Je suis un peu âgé, je suis au lycée, je sais que je veux faire un peu... je sais que je veux faire de l'animation, mais... je sais que je veux faire de l'animation pour faire du dessin, en fait. Le dessin est quand même présent. C'est le dessin qui est à la base de tout, c'est-à-dire faire de l'animation pour s'améliorer en dessin. L'idée, c'était de faire de la bande dessinée au début. Et avec Schizane, ça vient vraiment l'idée que y a plein de choses qu'on peut faire avec l'animation et qu'avec l'animation. Et donc, je pense que oui, de là vient une envie de faire ça et pas autre chose. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez posé la question, Marie-Louise et Justine, est-ce que vous vous rappelez est-ce qu'il y a un film, un court-métrage, un long-métrage qui vous paraisse important aussi dans votre décision de faire de l'animation, de faire un certain style d'animation? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, à moins que vous ayez déjà une idée. Marie-Lou? Moi, en fait, c'est un peu bateau, mais ça a dû être Mononoke, parce que je l'ai vu au cinéma quand il est sorti en France, et donc j'étais petite, et ça m'a laissé des souvenirs assez marquants. Donc voilà. C'était 2000, t'es né en 94, ouais, c'était j'avais 6 ans. Ouais. Princesse Mononoke à 6 ans, c'est... Oui, c'est parce que je pense que ma mère devait pas être trop au courant de ce que c'était, parce que ça s'appelle Princesse Mononoke, et donc elle était aussi perturbée que nous, je pense, en sortant. Et pourtant c'est drôle, parce que c'est aujourd'hui dans ce que tu fais, en tout cas dans moi, ce que je connais de ce que tu fais, ça, c'est par contre pas du tout dans le sens de l'animation traditionnelle. Non, pas du tout, mais je me souviens avoir eu envie de faire du film d'animation quand j'étais petite, parce que je regardais beaucoup du coup les films du studio Ghibli, et plus tard j'ai complètement oublié que ça m'était venu à l'idée d'essayer de faire du film d'animation, et ça m'est revenu que après la Mana, voilà. D'un seul coup. Mais donc du coup j'avais oublié la perspective du studio. Justine, toi, t'as un film comme ça où tu t'es dit, où d'un seul coup ce film fait dire, oui, ok, c'est vraiment ça que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller. L'animation, ça arrivait avec les portes ouvertes de l'ESAT. Donc c'était plus les dessins exposés que les films en eux-mêmes. Ça, je me rappelle. Mais il y a pas un film qui t'a, où tu t'es dit, même en regardant un moment ce film. Je pense que c'était, j'en avais parlé en plus hein, par rapport à l'écran d'épargne, mais c'était l'exposition qu'il y avait au Frénois, ouais. Sur les pionniers de l'animation. Donc il y avait Alexandre Alexeïev, qui était à côté de l'idée de Bartolt Bertoche. Et il y avait aussi une projection de McLaren, de tout ce qui est les jeux de synchronisme entre mouvement et son. Et c'est un moment... C'est plus un moment dans ce lieu-là et la projection qu'un film en particulier. Après, je serais incapable de te dire... De dire forcément un film. Mais... Antoine, tu te rappelles pourquoi d'un seul coup tu choisis d'aller en... au DMA de l'ESAT et pas une autre école? Est-ce qu'il y avait l'envie d'aller déjà dans un premier, une première école qui donne un apprentissage pour une autre école? C'était un hasard? C'était... Alors, c'est pas totalement un hasard. Donc, je voulais aller en DMA, animation. Et je me suis renseigné et j'avoue que je vais au DMA à l'ESAT parce qu'on me dit que c'est le premier, parce qu'on me dit un peu que... Disons que pour faire la 2D traditionnelle, c'est le meilleur. On me dit, hein, je précise, hein, c'est pas nécessairement ce que je pense. Mais donc voilà, j'y vais à cause de ça. Ok. Et tu dis, c'est pas vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que quand t'arrives là-bas, d'un seul coup, il y a un choc et quelle c'est. Déception, finalement. Non, c'est juste pour préciser que voilà, je pense qu'il y a de la qualité dans tous les DMA qui existent en France, et que y a surtout, en fait, c'est simplement que les DMA ont une direction différente, et que moi, je trouve à Roubaix, je pense quelque chose que je cherchais pas forcément, mais que je suis très content d'avoir trouvé. Et je pense que dans tous ces DMA, on peut trouver quelque chose. C'est simplement que ces DMA sont différents. Voilà, vous allez comprendre comment, et moi je viens de comprendre comment va se faire l'émission, et les invités aussi, c'est pas mal, là vous êtes à un moment donné de... C'est à partir de ce moment-là où des fois, quand Antoine dira des choses comme ça, je fais « Mais oui, bien sûr !» Et là, je vais demander à mes deux autres invités ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez, et Antoine bien évidemment aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a trop souvent justement l'idée de telle école? Parce que moi c'est quelque chose, je suis prof à l'ESAD, la plupart des gens qui écoutent le savent, et c'est vrai que quand on me dit aujourd'hui l'ESAD, c'est avant tout la 2D, ce qui était peut-être le cas il y a 10 ans, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas aujourd'hui, et qu'on a des profs qui vont pas du tout, même s'il y a des très grands profs d'anime, hein, Gilles Cuvelier, Gabriel Jacquen notamment, qui sont plus traditionnels 2D, mais beaucoup d'entre vous d'ailleurs autour de la table, vous avez pas forcément fait, on va dire, une 2D traditionnelle, vous êtes parti dans autre chose. Est-ce que y a pas une problématique, là, je trouve, des écoles de dire, bah tiens, la NSAT c'est ça, la Poudrière c'est ça, le DMA c'est ça? Je ne pas qu'on est trop, justement, tu parlais de cases, dans des cases, Marie-Lou? Pour l'instant, dans l'esprit des gens, c'est toujours comme ça. Quand je discute avec, par exemple, ma classe, avec des gens qui viennent du DMA de Clermont, ils pensent que DMA de Roubaix, on fait plutôt ça. Et moi, pareil, du coup, vu ce qu'ils font aussi dans ma classe, j'ai l'impression qu'à Clermont, ils font plutôt expérimental. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça plaît aux Arts Déco en ce moment, le DMA de Clermont. Mais en effet, on pourrait faire n'importe quoi. Ce qui est drôle, parce que les films que j'ai vus là récemment du DMA de Cournon, en tout cas par exemple, il y en a 2-3 qui vont être sélectionnés là à Bru, en tout cas au moins un, c'est pas du tout expérimental en fait. Non, mais ça devait être la promo qui arrivait. Du coup, ça les a accrochés, mais ça doit changer du coup. Ouais, c'est ça, il n'y a pas forcément. Justine, toi, est-ce que tu trouves qu'il y a, ce côté? Alors toi, t'as fait qu'une école, t'as pas été dans d'autres écoles, ouais. Après le DMA. En fait, mais... Je trouvais aussi quand j'étais en lycée que je voulais atteindre les Gobelins, le but final quand t'es au lycée. Qu'il y avait des parcours d'école qui suivent bien. Je rentrais en DMA pour aller au Gobelin après, pour peut-être passer par l'MK qui te fait une bonne branche pour ensuite arriver au Gobelin. Il y avait des sortes comme ça de couples d'école qui te permet de faire une première marche et une seconde marche. Et si tu n'arrives pas avec le DMA à avoir tous les acquis techniques, ça te permet quand même d'avoir une base. Je sais pas. Ouais, donc il y a cette idée quand même, toi Antoine, tu trouves, de, par exemple, ce que tu dis. Il y a des parcours, en tout cas d'écoles, qui vont me permettre d'aller plutôt vers cette école-là, qui vont permettre d'être vers cette école-là. Oui, alors ça, de toute façon, étant à la Poudrière, je peux pas nier qu'il y a un parcours. Enfin voilà, on le voit, ESAT, MK, Poudrière, c'est un truc. Voilà, ça marche, tout le monde le dit, l'équipe enseignante le dit. Enfin, disons que c'est quelque chose, c'est une continuité qui s'inscrit. Mais je pense, par exemple, au DMA, je trouve que, enfin, par rapport au DMA, on s'enferme beaucoup dans certains termes et dans certains stéréotypes, simplement dans l'appellation qu'on en a, mais en réalité, ce qui s'y fait est différent de ce qu'on y colle. Et surtout, il y a aussi la façon dont on a, nous, d'appréhender ces termes. C'est-à-dire que moi, si je parle d'expérimentation, je pense pas à la même chose qu'une autre personne qui dit expérimentation. Et quand on dit... Je sais que j'en ai discuté pas mal avec des gens des Gobelins, notamment. Quand on dit raconter une histoire, on n'a pas tous la même notion de raconter une histoire. C'est un truc, et ça, c'est un truc qui est particulièrement présent dans les écoles d'animation, c'est qu'on a beaucoup cette problématique. Disons qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont cette problématique de raconter une histoire, et tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce que c'est raconter une histoire. C'est-à-dire avec une narration classique. Moi, raconter une histoire, c'est pas nécessairement avoir une structure en trois actes, enfin voilà, c'est oui, quelqu'un par exemple qui va avoir je sais pas, puisque tu reçois, enfin vous allez bientôt avoir Gilles Alcabetz, Mourir de la mort, voilà. De Gilles Alcabetz va dire c'est une histoire racontée plus ou moins d'adultère, enfin voilà, qui est racontée par deux perroquets qui chantent et qui et en fait c'est on ça. Pourrait dire c'est pas une histoire, alors que d'autres vont dire en effet enfin qu'est-ce que c'est qu'un développement scénaristique, et il y a comment on l'a construit aussi. Il y a une grosse différence par exemple sur ça, sur simplement les moyens qu'on a d'arriver à justement construire une histoire. Il y a des élèves qui ont envie d'apprendre la méthode, et il y a des élèves qui ont envie effectivement de raconter des histoires, mais qui n'ont pas forcément envie de la construire avec une méthode académique. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce qu'on cale sur ces termes-là, chacun. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que, je rebondis encore, ça y est, sur une chose. Est-ce que vous considérez, vous êtes très content de tout faire à l'école? Est-ce que vous aimeriez travailler avec des scénaristes? Parce qu'on en parlait un peu hors micro, il y a l'idée, on le sait bien, j'en parle souvent ici, qu'en animation, on fait tout, et que vous êtes, normalement, faites vous-même votre propre montage, et je dis, la seule chose que vous ne faites pas à la rigueur, des fois, c'est les voix, et encore, des fois, vous les faites, la musique. Et encore, si vous êtes musicien, vous faites la musique vous-même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît d'être un peu une espèce de petit dieu comme ça, de réussir au DS à faire ce que vous avez envie, ou des fois vous dites ah tiens, travailler avec un scénariste, travailler avec quelqu'un d'autre, ça serait mieux, Marie-Lou? En général, j'aime bien travailler avec des gens, alors mais pas forcément parce que ce sera parce qu'il fait quelque chose que je sais pas faire, mais pour avoir un autre avis. D'accord, c'est pas forcément, quelqu'un qui serait scénariste, mais c'est plutôt une poule de personnes, enfin plein de personnes pour... Pas juste tout seul, comme ça. Enfin, moi. Justine ? Mais tu parles juste sur le moment de l'école, ou en général En général, est-ce que c'est quelque chose... Par exemple, aujourd'hui, tu te dis, je travaille avec un scénariste, donc c'est bien parce que ça me permet, Des projets, ça dépend de tout. À un moment donné, j'aurais envie de travailler avec un musicien, des moments je me dis, j'ai envie d'essayer de bidouiller une bande-son pour voir comment moi aussi j'arrive à réfléchir le son sans passer par quelqu'un. C'est plein de moments donnés où tu auras envie d'essayer des choses par toi-même, et des moments où t'as discuté avec quelqu'un qui dit des choses très intéressantes sur un sujet, j'ai bien envie de te laisser écrire un scénario, comme ça moi je vais voir comment je peux rebondir par un... c'est vraiment plein de moments différents, et après tu choisis tes écoles en fonction de ce que t'as envie de faire beaucoup tout seul, ou est-ce que t'as envie de rencontrer plein de gens qui vont beaucoup intervenir sur tes projets. C'est aussi comme ça que tu choisis tes écoles. Le DMA, j'étais contente qu'il n'y ait pas tant de monde que ça qui gravite pour essayer de me trouver un peu sur tout, et Alors vous êtes à la radio. Marie-Lou, tu voulais dire quelque chose ? En fait, je viens de me rappeler que là, cet été, en faisant le clip qui était en volume, on a demandé l'aide d'une personne qui est éclairagiste, mais dans le monde du cinéma. Et c'était très intéressant de l'avoir avec nous. On n'a pas touché beaucoup à la lumière, c'est lui qui s'occupait de ça, qui s'occupait de la lumière, et on a appris plein de choses. Du coup, c'était très bien. Antoine, vous êtes à la radio, donc vous ne voyez pas, mais Antoine, vous avez des grands gestes, dire oui, je suis d'accord. C'était assez d'accord avec ça, avec cette idée qu'aussi, selon le projet, il y a des projets qu'on a envie de faire seul et on est très bien content d'être seul, et puis il y a d'autres où on a envie d'avoir 15 personnes autour de soi pour... Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a aussi des projets où on n'a pas envie de tout faire. Enfin, moi, ça m'intéresse de scénariser, de ne plus rien faire sur le film après, de voir... aussi de voir comment des gens prennent ce qu'on fait pour l'amener quelque part ailleurs. Et après, par contre, dans cette idée de tout faire à l'école, il y a quelque chose qui est intéressant parce que d'un coup, on est obligé à faire d'expérimenter des choses sur lesquelles on n'est pas doué, clairement. Et du coup, il faut trouver d'autres approches souvent que ce qu'on nous propose classiquement. Et ça, pour moi, c'est forcément créatif. Ça appelle forcément à trouver des solutions, à créer quelque chose peut-être d'un peu neuf ou pas du tout, mais enfin voilà, d'essayer d'autres choses en fait que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors on va faire une première pause musicale, après rien, on va y aller doucement aujourd'hui, hein, on va prendre notre temps, on a deux heures, on est tranquille. On va faire aller un autre clin d'œil à Antoine, décidément, je savais qu'il allait venir, donc on va un autre clin d'œil avec un morceau qui est assez barré d'un album qui s'appelle Oh Yeah, Oh Yeah, d'un super contrebassiste, peut-être l'un des meilleurs de jazz, qui s'appelle Charlie Mingus. Et puis c'est un double clin d'œil qui est assez drôle, puisque le morceau que moi je connaissais à peine, qui s'appelle Eat That Chicken, où vous allez entendre Mingus hurler, chanter I want Dad Chicken, enfin, etc. Et c'est presque un clin d'œil aussi, sans le vouloir, mais quand même un petit clin d'œil à des meilleurs films de La Poudrière sortis ces dernières années, de Chen Chen, qui s'appelle M'échapper de son regard. Malheureusement, je sais, je râle à chaque fois que je suis à ce micro et à chaque fois que je vois les deux responsables de La Poudrière. Ces films, malheureusement, sont rarement visibles sur Internet. Faut se battre pour les voir. Mais si vous avez l'occasion de voir M'échapper de son regard de Chen Chen, et je sais qu'il n'écoute pas cette émission, mais si Chen Chen pouvait vite faire un nouveau court-métrage, il a plein de bonnes idées, plein de choses étonnantes. Donc voilà, vivement qu'il en fasse un nouveau. On écoute en attendant Mingus dans Eat That Chicken. Merci Ariel. Et voilà, c'était l'énorme Mingus, donc dans Eat That Chicken, avec cette voix comme ça qui chantait de temps à autre. Enfin voilà, où il éructait en plein morceau. Enfin, c'est assez étonnant. C'est vraiment le personnage, l'un des grands personnages importants, évidemment, du jazz. Vous êtes sur Bulle de Rêve. Je voulais faire un petit coucou à Rémi et à Valentine, bien sûr, parce que là, il y a qu'Alexis qui vous parle. Mais c'est juste parce que d'un seul coup, comme d'habitude, je sais qu'il me déteste à chaque fois. En fait, Rémi m'a même dit, tiens, si tu fais l'émission du 24, il n'y a pas de problème, je suis là. Et en fait, je me suis dit, si je le fais venir et qu'il n'y a pas d'émission parce que Stéphane est là, voilà, nous, on passait dans le quartier, on s'est dit, tiens, on va y aller. Mais c'est vrai que c'était un peu, il y avait un peu la peur de se retrouver avec finalement une autre émission à la place. Et voilà, ça m'aurait évidemment embêté pour mes trois invités de la journée, mais on était ensemble, donc ça allait. Et voilà, donc je m'excuse auprès de Rémi et aussi auprès de Valentine, puisque Valentine, je l'ai prévenue pareil il y a 4-5 jours en disant, tiens, en fait, je fais une émission, alors qu'elle n'était pas du tout. Normalement, vous avez l'équipe de Bulle de Rêve, hein, justement. Ouf, Valentine, Rémi et Alexis, qui se retrouvent dès la semaine prochaine, avec Ariel encore en tant que réalisateur. Merci pour la semaine prochaine. Antoine, qu'est-ce que tu as gardé de ton DMA? Qu'est-ce que vraiment t'as, qu'est-ce qui a été important pour toi dans le DMA? Mais qu'est-ce qui fait que si jamais on t'écoute, un jeune, je sais pas, quelqu'un qui se dit aujourd'hui, tiens, pourquoi? On posait la question récemment dans une autre école, quel DMA par exemple choisir, ce qui est très compliqué. Souvent, je leur disais, ben, allez voir un tel qui a fait le DMA, etc. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Et Marie-Lou et Justine en avaient parlé quand elles étaient venues. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le DMA? Je pense que c'est la liberté de pouvoir faire à peu près tout ce que tu veux après. Ça c'est quand même formidable. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans tous les DMA. Le fait de toucher un peu à tout, on touche pas vraiment à tout, c'est impossible de toucher à tout, mais de voilà, d'avoir des intervenants avec quand même des personnalités un peu fortes. Et qui du coup vont dans des sens différents, et on a ces différentes expériences de l'animation, et je pense que moi c'est un truc qui me voilà, qui me nourrit encore aujourd'hui, ces expériences, et je reviens encore à des choses qu'on a dit en DMA quand je réfléchis à l'animation, on va dire. Le DMA, c'est une petite famille? Oui, complètement. Vous êtes 15 parents, ça fait 30 en fait sur les 2 ans, vous êtes quasiment dans les 3 mêmes pièces. Je caricature à peine, sauf quand vous allez en anglais ou vous allez dans vos trucs. Mais on n'aime pas vous sortir. Là, vous êtes dans les 3 mêmes pièces, vous faites des soirées ensemble, vous faites des films ensemble, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose, la poudrière aussi, c'est important de garder cette idée de famille? Et évidemment, je poserai la question notamment à Marie-Lou de dire, est-ce qu'il y a encore cette famille à l'ENSAD, ou justement, est-ce que cette famille est complètement éclatée à l'ENSAD? Est-ce que c'est dérangeant ou pas? Toi déjà, est-ce que le fait de garder cette structure, parce que là, pareil, la poudrière, vous êtes normalement une dizaine, hein, à peu près dans les 2 ans, ça fait là, 20, ça fait encore moins. Oui, je pense que ce côté famille, mais c'est un truc qu'on a, enfin, j'ai l'impression, je connais pas très très bien le milieu professionnel, mais qu'on garde un petit peu, enfin, l'animation en général a un côté un peu familial qui... à certains défauts, mais qui a quand même qui apporte beaucoup, parce que il y a une bienveillance quand on parle du travail des autres, et c'est quelque chose qui est quand même important, de pouvoir faire une remarque à quelqu'un avec en sachant qu'il sait qu'on est bienveillant sur son projet, qu'on n'est pas là pour le descendre, et inversement, quand une personne nous fait une remarque sur notre projet, que voilà, c'est pour le bien du projet. On dit souvent, alors pareil pour tous les trois, avant de revenir sur cette idée de famille, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de critiques en animation, que c'est un peu ce qui nous manque. Ouais. Mais dans ce que tu dis, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse. Tu dis, mais c'est bien parce que justement, au moins, tout le monde est plutôt bienveillant, alors qu'un critique pourrait évidemment être beaucoup plus dur et acerbe. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça veut dire que évidemment, quand on veut une critique, disons une... Ça, c'est une bonne critique de travail, pour moi, ce système-là. Après, une critique, qui nous permet de se forger une idée du cinéma, on va dire, ça nous manque clairement. Et peut-être que ça doit être une critique qui est plus incisive. C'est certainement une critique qui doit venir aussi un peu d'ailleurs que de nous. voilà, de l'extérieur du monde de l'animation. Est-ce que ça c'est quelque chose, alors on va revenir là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose ou pas, hein, qui vous a manqué, d'ailleurs Antoine tu pourras répondre aussi, hein, mais déjà Marie-Lou et Justine, est-ce que le manque d'écrit, critique, théorique, il y en a un petit peu mais finalement assez peu sur l'animation, vous a manqué, ou de toute façon c'est quelque chose que vous abordez pas forcément et il n'y a pas forcément de manque pour vous par rapport à ça, Marie-Lou, est-ce que je sais pas, parce que toi par exemple tu travailles avec vous avez Georges Chifianos en prof qui lui est un théoricien, mais finalement il y a peu de théoriciens dans l'animation, est-ce que c'est quelque chose, tu aurais aimé avoir beaucoup plus de livres sur l'histoire, sur la théorie du cinéma ou non, pas forcément sur les théories du cinéma d'animation? Tu peux répondre non ou tu peux répondre que... Je ne sais pas. Ouais. J'ai pas réfléchi. Justine ? Non, mais c'est possible aussi, en effet, ouais, Justine. Pas tant que ça. Ouais. Mais en fait, je trouve qu'on peut facilement trouver des interlocuteurs dans tes camarades de classe ou dans des professionnels où on va avoir des dialogues très poussés, mais vraiment avec une personne en particulier. On va pas trouver ses écrits dans des livres ou sur des trucs sur Internet ou avec tous les professeurs que tu recrois. Je pense que c'est plus avec des relations très particulières vers certaines personnes où là, tu peux commencer à créer un dialogue sur tes projets qui vont te permettre d'avoir des critiques, pour le coup, très poussées, qui vont parler de ta vision du cinéma, de comment tu veux installer les choses. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu vas croiser comme ça sur une personne... tu croises pendant un quart d'heure et qui va te faire un retour sur ton film et qui va essayer d'aller au fond des choses et qui va te bousculer dans ton cinéma. C'est quelque chose qui prend plus de temps, mais du coup ça c'est plus les gens. Ouais, Antoine, non mais c'est... ouais, alors, moi pour le coup j'étais à la recherche de ces écrits théoriques et critiques et je pense que il y en a et je pense que quelque part il y en a, enfin j'ai pas eu l'impression d'un manque d'écrits, par contre c'est très difficile de les trouver, c'est on communique très très peu dessus, enfin et en école notamment voilà j'ai moi j'ai découvert le langage des lignes parce que un jour de Marcel Annecy, Jean de Marcel Jean pardon qui parce qu'un jour j'ai rencontré Marcel Jean à Annecy, mais en école on m'a jamais parlé de ces ouvrages là. Si je vous dis ça c'est parce que il y a eu une rencontre faite à Fontevraud récemment qui a fait beaucoup parlé, moi j'étais pas à Fontevraud cette année, mais qui a fait beaucoup parler, entre Hervé Joubert-Laurencin et Michel Osteux. Hervé Joubert-Laurencin qui est l'un des intellectuels du cinéma, hein, comme Pascal Vignet, il y en a quelques-uns comme ça, et ça a beaucoup fait parler, puisque normalement on est plutôt dans des, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais comme cinéma, etc., même presque technique, alors là visiblement il y avait comme deux discours, et je trouvais ça quelque part réjouissant et intéressant de se positionner à l'intérieur d'un cinéma d'animation en se disant, moi j'aimerais faire une émission, vous écoutez Bulle d'Oreille, vous savez bien à quel point c'est pas une émission justement qui met en avant, en tout cas moi je ne suis pas d'intellectuel ou même de critique dans un autre sens, il y a plus une idée de partager des choses que j'aime bien, et je trouvais ça intéressant finalement d'avoir un positionnement, de se dire bah tiens il y a les intellectuels, c'est pas forcément l'un contre l'autre, mais en tout cas d'un côté il y a les gens qui vont pour le pur divertissement, le plaisir juste divertissement du cinéma, et je trouvais ça intéressant que d'un seul coup c'est toujours terrible les cases, et à la fois je trouvais ça bien qu'il y ait des gens qui se positionnent à l'intérieur du cinéma d'animation. Antoine, bien sûr, ouais. Non, c'est important, et c'est important que, disons, c'est important qu'on ait, voilà, qu'on soit, par exemple, autour de la table, on est positionné différemment par rapport à cette question de la théorie en animation. Et je pense que c'est important qu'on conserve ça et que même on cultive ça, ces différents points de vue, parce que c'est ça qui fait la richesse des films. C'est que, voilà, certaines personnes peuvent faire un même film sur un même sujet qui va se ressembler beaucoup, mais il y en a un qui aura un bagage théorique et il y en a un qui fera ça à l'instinct. Et on peut se retrouver avec des films similaires. C'est pas important pour les films, c'est juste important par rapport à soi-même et par rapport à comment on se construit, je pense, cette chose-là. Ce qui est intéressant, ce que disait Justine, c'est finalement les rencontres, les gens qu'on rencontre, que ça soit donc là par écrit, par des écrits, par des dialogues, ensemble, en fait, finalement, fait aussi avancer un projet, puis un autre projet, on aura besoin d'autres personnes, etc. Et on se repositionne aussi selon ce qu'on fait, ouais. Oui. Selon le projet. Selon le projet, et puis pour les projets suivants, je pense. Oui, enfin ça peut être. Disons qu'une rencontre peut être très dérangeante sur un projet, mais peut servir à celui d'après. Justine, Marie-Lou, non, rien à rajouter à ça. Tout est dit, non, j'espère pas, mais en tout cas là pour ce moment, Marie-Lou, est-ce que tu vas finir un jour ton film de fin d'études de l'ESSEC, qui était donc... Oui, je vais le finir, mais Mais... c'est la question piège, hein. Enfin, c'est l'émission super dure parce qu'en fait ils sont là, qu'est-ce qu'il va nous poser comme autre question, donc ils sont sans filet, on est sans filet, c'est super compliqué. Merci à eux d'ailleurs parce que c'est pas évident. Ouais. Oui, il faut trouver du temps. Et il prend beaucoup de temps ce film à faire, donc je fais une image en une demi-heure, alors du coup. T'as déjà fait pas mal de. Il te reste pas mal de minutes encore à faire ou... Animé pas mal encore, oui. J'ai eu un petit peu d'aide de Valentine dernièrement sur les personnages humains. Valentine. Dumez. Dumez, voilà. Qui, et. C'est la même promo que vous. Mais il faut que je me remette dedans, et là, c'est un peu chargé ce qu'on a jusqu'à la fin du semestre aux heures d'éco, du coup. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'imagines, par exemple, tu ne te finis pas à l'école, et imaginer aller voir un prod et lui dire, bah, il ne reste plus grand-chose, voilà, il faudrait ça comme, comme budget, allons-y. Bah, pourquoi pas. Ouais. En fait, je le fais quand j'ai le temps. Alors, donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, j'ai pas de projet sur l'avenir, c'est juste j'essaie de le porter et on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de le lâcher, mais... Toi, Antoine, est-ce que c'est quelque chose, t'as commencé, on va parler évidemment de ce que c'est, mais est-ce que c'est quelque chose que... Parce que autour de la table, seule Justine, a fini parce qu'on n'est pas obligé, hein, mais en tout cas, seule Justine a fini son film, est-ce que toi... Oui, le projet a évolué, en tout cas, a continué à évoluer dans ma tête pour l'instant, et j'espère qu'un jour, il se fera. Je pense que c'est... est important pour moi et important aussi pour... Donc c'est un projet autour de l'autisme. Et voilà, simplement par rapport aux gens que j'ai rencontrés, par rapport au texte, aux personnages que j'ai pu rencontrer en faisant le film, ça me semble important juste de terminer ça pour que ça ait une finalité et que, voilà, pour être reconnaissant aussi à vis-à-vis de ces personnes d'avoir donné de leur temps, de leur intérêt au projet. Quand tu dis ouais, ça me semble important, c'est ça. Est-ce que ça te semble important pour toi aussi de terminer de terminer ce que tu avais commencé comme ça, qui prend évidemment beaucoup de temps, hein, dans un DMA vous prenez beaucoup de temps pour faire ce projet de fin d'études. Bien sûr, mais c'est oui parce que c'était c'est quand même une étape dans comment je me suis construit, et je pense que c'est important de la finir aussi. Dans la construction de ce qui va venir après, c'est important que cette chose soit finie. Je vais faire une parenthèse parce que j'avais complètement oublié et je pense que je vais pas. Est-ce que toi, Justine, pour l'instant, tu es la seule à être sortie du monde de l'école? Est-ce que cette petite famille dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on parlait des DMA et j'ai oublié de reposer la question à Marie-Lou par rapport à cette idée de famille, on va revenir évidemment sur le projet d'Antoine. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as retrouvé, c'est en sortant de l'école? Est-ce que tu considères que c'est une petite famille qui s'est recréée aussi en dehors là, de l'école? Est-ce que c'est des petites familles? Sur le projet en sortant de l'école, oui. C'était assez différent quand même. On n'avait pas ce temps où on était tous... Enfin, il y a eu un mois à Fontevraud où on a quand même tissé des liens très chouettes et très sympathiques. Mais après, on était dispatchés et on était tous sur notre film et il fallait finir le film. C'était très dur. Donc l'idée de petite famille n'est plus la même, en tout cas, toi, entre le DMA et ce que tu as vécu après. Pour le coup, c'était plus des collègues qui faisaient un travail similaire qu'une famille. C'était assez différent. Et toi, Marie-Lou, l'ENSAT, parce que moi j'ai entendu plein de choses d'ENSAT, c'est énorme. C'est, non seulement il y a l'animation, mais il y a plein d'autres secteurs, vous travaillez dans les autres secteurs, etc. Ouais. En plus, cette année, ils ont encore rajouté un autre, ils ont changé un de leurs programmes, ce qui fait qu'en troisième année, on a encore un cours en commun avec toutes les autres sections. D'accord. En plus, d'habitude, c'était qu'en deuxième année, maintenant, les troisième années refont ça. Oui, le fait que tout le monde fasse la première année, déjà tout le monde connaît tout le monde dans l'école. Donc ne reste pas forcément dans sa section. Ensuite, je pense que c'est aussi parce qu'il y a deux fois des nouveaux élèves qui arrivent. Des fois, il y a des Erasmus aussi. Et le fait que ce soit à Paris, tout le monde déjà rentre chez lui un peu plus tôt pour éviter les problèmes de transport. Et ce qui fait que les classes, ça dépend des promos, mais sont un peu moins soudées, je pense. On en reparlera après, évidemment, quand on parlera de la poudrière et l'idée d'un seul coup de sortir en classe tous ensemble pour voir un film, alors que là, je pense qu'en effet, tout le monde n'est pas venu avec toi, enfin, des images, voir la Corée, par exemple, je sais non. pas. Là, des fois, j'arrive à amener quelques personnes. Antoine, pour revenir là-dessus, donc, pourquoi l'idée de l'autisme, c'est l'idée de la rencontre aussi avec un, peut-être pas uniquement un auteur, mais quand même? Est-ce que cet auteur est important, Mamet, non? Ou Tamet. Tamet. Mamet. Damien David Mamet, qui est autre chose. Est-ce que Tamet est important? Oui, c'est la grosse rencontre avec le sujet, c'est le bizarre incident du chien pendant la nuit, en fait, donc qui est pas de Tamet. Tout de suite, le nom m'échappe, malheureusement. J'avais dû mélanger, je pensais que c'était... Mais voilà, donc c'est une fiction qui raconte l'histoire d'un autiste qui essaie d'élucider le meurtre du chien de sa voisine. La rencontre avec ce livre a été importante parce que c'est là que je me suis rendu compte que l'autisme était quelque chose qui mettait beaucoup en avant notre... Comment on avait construit notre société autour de la parole, autour de l'échange entre humains, et comment cette maladie qui affecte cette partie sociale de l'humain, met aussi en évidence comment on s'est construit et comment on agit maintenant en société. On va le retrouver avec ton film de seconde année, le rapport de l'individu, ouais, à la société, évidemment, c'est super important. Bien sûr, de toute façon c'est quelque chose qui, je pense, m'intéresse de penser au-delà de l'animation, hein, comment on se pense en groupe, en tant qu'individu quand même, en se respectant en tant qu'individu, en fait, c'est ça. Et comment est-ce qu'on arrive à construire en groupe, oui, c'est un vrai, c'est proche de mes opinions politiques aussi. Quel est le choix quand d'un seul coup on a un projet comme ça, on se dit ok, je fais un documentaire, je fais une fiction, je fais un documentaire, je fais une fiction. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça paraît, là on parle pour le projet, sur l'autisme toujours, ou d'un seul coup on se dit non, allez, tant pis, je fais pas un documentaire, je vais être plutôt dans la fiction? Alors pour le DMA, c'était vraiment au début c'était une question de technique, et puis d'avancer du projet, c'est-à-dire de pas se bloquer avec les interviews. Et en fait, c'était aussi une manière de contrôler un petit peu un projet qui était déjà pas très contrôlable. En fait, c'était d'amener un peu de contrôle sur le projet, parce que c'était un projet qui partait dans tous les sens, qui était prévu avec plusieurs techniques différentes, qui était prévu avec plein de points de vue, plein de narrateurs, et faire toutes ces interviews, ça, je pense que ça aurait été très très lourd, et c'est me refuser ça, ça a été d'abord me rassurer sur la faisabilité du projet, on va dire. Et puis après, je pense que ça fonctionne pour ce projet-là, la fiction. Alors, petite coupe musicale, on va faire une petite coupe musicale. Tu viens déjà de le dire, Alexis. Oui, je sais, pardon. Des fois, je me répète comme ça au micro et je me le dis. Ariel, nous allons écouter. Allez, nous partons, nous restons en France, après rien, avec un monsieur que j'aime beaucoup, vous le savez. On a passé ici même Plume d'Ange en entier. Là, on va passer un morceau qui est un petit peu plus court, mais un morceau que j'adore. Vous entendrez même au début, ça fait ça apparaît tout. C'est normal, c'est quelque chose qui n'existait pas pendant mon âge. J'ai récupéré sur le vinyle que j'ai passé en numérique, etc. Donc voilà, c'est bien sûr Claude Nougaro, hein, Plume d'Ange, et le morceau s'appelle Le cycle Amen. On écoute et on revient dans 3 minutes. Lumen, lamen, schleier. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai rêvé que le ciel disait amen à chacun de mes souhaits. Et voilà, c'était le génial avec le Nougaro. Eh, c'est que ça swing quand même énormément, Nougaro. Hein. C'est vraiment bien parce que, parce qu'on dit souvent que les Français, ça s'est pas swingé, ou enfin voilà, etc. et tout. Ça swing quand même, ouais, énormément. Je trouve qu'enfin voilà, quel bonheur de la langue aussi, hein. C'est assez incroyable, Ariel. Bah, c'était un fondu de jazz, hein. Ouais, ouais, c'est. Et non, puis, ouais, ça le sent, enfin, ça se ressent, quoi. C'est vraiment. Et puis les mots, j'ai tous ces enfants qui. Puis cette espèce de. J'aime bien en plus Nougaro parce qu'il y a cette espèce de... Pas d'anticléricalisme, enfin voilà, être contre les autres en là. Et non, mais il y a un plaisir quand même de liberté, de joie, enfin qui se ressent et qui est quand même assez voilà, qui a un vrai plaisir. Je passe pas, je crois, mais je croise en moi et voilà dans les églises. C'est très franc, enfin quand même super. Le jazz le faisait tellement vibrer que ça se ressent dans l'intonation. Ah ouais, c'est. On est obligé de bouger en même temps que lui. Hein, ça c'est dur. Un vrai tremblement de terre. Donc le Nougaro, j'en mettrai dès que je peux ici à cette émission. On va revenir sur l'animation, même si évidemment les mots de Nougaro pourraient facilement être animés. Le mouvement et le rythme des mots, hein, de Nougaro pourraient être superbes. Ce serait sacrilège peut-être. Ah, ça, c'est une grande question la question d'adaptation. C'est drôle, je travaille dans une école récemment, l'adaptation de la musique, et justement d'essayer de faire quelque chose qui ne soit pas en rapport forcément, mais qui, voilà, qui ne soit pas une redite, mais qui d'un seul coup est une autre narration, un autre récit. Oh là là, ça nous amène, c'est super passionnant, mais ça nous amène dans d'autres sphères en effet. Juste avant de revenir sur le DEMA, puis évidemment arriver à la Poudrière, comment vous jugez l'idée de, par exemple, travailler, de vous dire, j'ai eu la question tout à l'heure qui m'est venue en tête, je voulais pas poser, de se dire par exemple le projet du DMA, dire je le finirai peut-être en 5 ans. Alors quand on dit en 5 ans d'animation, c'est parce qu'on a travaillé, comme tu le disais Marie-Lou, 15 jours par 3 mois et ce genre de choses, c'est pas 5 ans tout le temps. Mais comment on se dit, tiens, ce projet là j'ai envie de le, c'est pas grave si je le fais dans 3-4 ans, et de se dire je vais avoir une maturation plus longue, et d'autres projets de se dire oh là là, celui-là il faut que je le fasse en, faut que j'essaye de le sortir le plus rapidement possible. Je sais pas, Justine. Mais c'est ça qui est génial, hein, d'avoir des projets qui ont des temps de maturation complètement différents, et de, enfin, tu le sens un projet quand il a besoin de. C'est instinctif pour toi. Ouais. Ou alors, en tout cas, enfin, le projet que je suis en train d'écrire en ce moment, ça fait 3 ans que je l'ai. Je me disais pas le premier jour, ah là là, je vais l'avoir pendant 5 ans. Mais tu le travailles, et je me refuse d'avancer plus loin tant que je suis pas convaincue que le scénario est bon, ou que la vision que j'ai de l'animation est suffisamment prête pour que je me lance dans l'animation. C'est-à-dire que c'est un projet que tu avais, qui a commencé embryonnairement en première année quasiment, ouais, c'est ça. Hein, de DMA, et ensuite en effet qui a pris plein de chemins. C'est facile de garder, c'est la question qu'on pose à tous les créateurs, hein, d'animation, c'est facile de garder un projet ou de se dire c'est pas grave, là il va prendre un chemin complètement différent, c'est pas grave, je le laisse prendre ce chemin différent, puis ça va, je vais avec lui. Ça va parce qu'il y a d'autres projets à côté. Et que le fait d'avoir plusieurs projets te permet de laisser un projet de côté pendant que tu fais autre chose. Tu remues pas le truc tout le temps, H24. Ça fait du bien aussi de pouvoir expérimenter des choses sur des projets. Et du coup, en fait, le problème, c'est que des fois, t'as trop d'envie et tu veux tout mettre dans un projet. Mais du coup, en ayant plusieurs projets, il y a des envies que tu voulais mettre dans ce projet initial. Tu te dis, bah non, cette envie-là, elle a pas besoin d'être dans ce projet-là. J'ai pas besoin de mettre cette envie dans ce projet, je peux la mettre dans un autre projet. Et du coup, ça permet aussi de clarifier comme ça. Finalement, ce premier jet. Marie-Lou, toi, quand tu reviens à ton film, tu te dis pas qu'est-ce que je change. Ah, parce qu'évidemment, tu travailles, comme dit Justine, sur d'autres choses, d'autres projets, sur t'amènes d'autres choses. T'as envie de le changer ou non t'es... Non, enfin, de toute façon, dès le départ, j'ai décidé de pas toucher au storyboard, enfin, l'animatique. Il reste comme il est, même si y a sûrement des trucs que j'aurais changé. Enfin, si je m'y remettais, je pense que je le ferais pas comme ça. Mais le fait de pas vouloir changer l'histoire, ni le découpage, ni rien, ça fait que quand je m'y remets, je fais que animer ce que j'ai prévu. Et je me prends pas du tout la tête en train de me dire, oh, est-ce que c'est bien ou pas? J'ai juste envie de voir comment il sera fini. Bon, et après, ça me préoccupe pas, quoi. Après, il était déjà très bien. comme il est. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on a un projet qui est plutôt béton et qui tient bien. Mais du coup, je peux le mettre sur la durée, c'est pas grave. Je sais que j'ai juste à prendre des feuillets, aller à animer, et il n'y a pas de prise de tête par rapport à ça. Ça peut me prendre du temps, c'est tout. Toi, Antoine, pareil, par rapport au côté autiste, tu te dis... Je peux absolument pas faire ça. Ouais. J'ai besoin que ça recommence. En fait, j'ai besoin que le projet recommence à chaque étape. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu infernal comme ça, mais j'ai besoin qu'il y ait un enjeu à chaque étape. Et voilà, il faut que jusqu'à l'animation, jusqu'au compositing, et puis le son évidemment, il faut qu'il y ait un enjeu sur toutes les étapes du film, parce que c'est ce qui rend la chose excitante, et que s'il n'y a pas ça, l'envie n'y est pas de le faire. Ouais, c'est aussi, mais tous les projets, t'as pas des envies d'un seul coup de te dire, je sais pas, par exemple, tu travailles avec un de tes camarades d'il y a longtemps, du DMA, ouais. Vous travaillez sur un projet, puis d'un seul coup, vous faites quelque chose et de se dire, moi, je vais faire que l'anime, par exemple, et je me casse pas la tête non plus, pour le plaisir, entre guillemets, de l'animation. Ah, si, mais il y a, du coup, il y a mes propres challenges sur cette étape-là, et après évidemment sur si plus tard je suis amené à travailler sur des productions, ça sera autrement évidemment, parce que on fait pas ce qu'on veut, mais si sur des projets d'autres, ça peut, enfin évidemment ça peut être ça peut être passionnant de prendre qu'une étape, mais il faut quand même qu'il y ait un enjeu dans l'étape qu'on réalise. Est-ce que tu quand t'es rentré en DMA, la poudrière était évidente dès la première semaine dans laquelle tu es rentré en DMA, tu connaissais la poudrière et tu disais, oui, j'irai là-bas. Je connaissais la poudrière. Pour moi, c'était quelque chose qui était... j'avais une vision très très schématique du monde de l'animation. Je pensais que la poudrière, c'était quelque chose qui était accessible après avoir fait Gobelin uniquement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas ce que c'était. Et non, ça a jamais été évident. Pour moi, très longtemps, l'école qui a été évidente, c'était l'MK. Qui est une école qui est encore maintenant, malgré des échanges un peu durs avec certains camarades de classe à la poudrière, m'attire encore, parce que il y a quelque chose simplement dans les films qui en sortent, qui est d'une force et d'une diversité qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, en France, il n'y a pas d'école qui arrive à faire ce qu'accomplit encore l'MK. Il y a les arts déco, mais je connais moins leurs films. Je connais moins leurs films, c'est vrai. Parce que je considère qu'en effet, c'est les deux écoles qui aujourd'hui ont sûrement la plus grande diversité, même si je pense que la diversité, t'as raison, LMK nous amène des choses comme... c'est quoi déjà, 3 jours pour le dernier film de LMK, c'est fou là, qui fait un quart d'heure, graphiquement très étonnant. Inférieur à 3 par exemple, où on peut avoir des choses comme ça, on peut avoir des choses trois quarts, enfin avec le type qui se retire le cerveau, etc. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, on a l'impression d'une totale liberté qui peut gêner des fois les gens, puisqu'en effet la liberté peut être un peu troublante et un peu dure. Du manque de soutien aussi. Ouais. Voilà. Qu'il peut y avoir. Donc la poudrière, revenons sur la poudrière. Donc il y avait l'MK qui t'attirait comme ça, mais la poudrière quand même, évidemment. Oui, bien sûr, parce que ça. Il y a des. C'est la réalisation en fait. Et c'est connaître un peu plus leur programme qui m'a donné envie, quoi. L'idée de faire. De faire des films après un DMA où quand même mener ce projet sur un an, c'est fastidieux, c'est le premier projet, c'est quelque chose qui est très très dur et qui est assez lourd à porter quand même quand on commence. C'est envisager après une école où un film peut être fait en 3 jours, c'est génial, enfin c'est incroyable cette opportunité de pouvoir faire des ateliers comme ça où on dit juste on finit le film, il sera certainement, enfin on n'en sait rien s'il sera bon ou pas, c'est pas important. C'est finir le film, c'est faire le film qui est important. Est-ce que passer en effet du DMA, comme tu disais, beaucoup de gens passent du DMA, donc là notamment les SAT, MK, Poudrière, ce qui va sûrement changer, hein, parce qu'on sait que la MK maintenant il y a une prépa, et c'est compliqué de rentrer aujourd'hui à la Poudrière, donc ça risque de changer complètement. Il y a eu ce moment donné un peu exceptionnel. Est-ce que c'est aussi parce que les SAT et les DMA sont très scolaires? Vous avez aussi, on en a déjà parlé souvent ici, de l'anglais, même si ça peut être intéressant évidemment, sciences physiques, etc., de l'éco, gestion, des choses comme ça. Et d'un seul coup, en effet, quelque chose comme la poudrière ou je pense l'ANSAD, vous avez un côté beaucoup plus professionnel et en tout cas, voilà, l'idée de partir sur d'autres bases. Il y a une dimension scolaire à la Poudrière, ouais. qui est quand même importante, même s'il y a cette envie de nous envoyer, de nous faire contact avec le monde professionnel, ça c'est extraordinaire, mais il reste que l'école est scolaire et enfin disons qu'à un système qui est encore scolaire et voilà auquel on n'échappe pas, mais en même temps c'est le jeu quand on y va et je pense que c'est pas pour rien dans la réussite des élèves qui y passent. Marie-Lou, toi par rapport à l'ENSA, de ce côté c'est pas très, enfin c'est scolaire dans le sens où il y a des cours qui sont courts, mais par contre vu qu'on a un grand choix dans ce qu'on choisit, on peut se faire un emploi du temps qui n'a aucun rapport avec la section. Si je regarde mon emploi du temps, là j'ai 6 heures d'anime comme on l'entend, et le reste c'est un peu plus vague. qu'est-ce que je voulais dire, donc y a pas, y a ce, oui et puis c'est beaucoup moins scolaire dans le sens où il y a beaucoup moins de regards sur les absences ou sur les retards, donc c'est aussi pour ça que les classes sont moins soudées, parce que tu peux ne pas voir un camarade pendant une semaine parce qu'il était en train de faire autre chose. Même si c'est des projets à l'extérieur. Il y a plus un côté fac, quoi. Il y a plus un côté. Ouais, on est libre. Quand je dis scolaire, c'est pas que sur des aspects de vie. Voilà, c'est aussi sur des projets. C'est-à-dire qu'il y a un cadre au projet et qu'on rentre dans le cadre du projet. Du coup, il y a moins de cadre. Là, on te donne un moyen de le faire. On te dit, fais ce que tu veux. Donc voilà. Mais c'est bien aussi. Oui, c'est ça en fait. Oui, hein, c'est un peu. C'est des dynamiques de création. C'est intéressant de voir l'idée de. Tu parlais tout à l'heure de manque de soutien que beaucoup d'élèves évidemment regrettent à l'EMK. Il y a vraiment cette idée d'un seul coup de le savoir, en tout cas avant de rentrer dans une école et de se dire en fait, c'est ça, j'ai envie d'être libre, donc je vais aller plutôt vers cette école-là, alors que j'ai absolument envie qu'on soit derrière moi et que toutes les semaines on me dise où t'en es. Et que finalement, voilà. Donc c'est malheureusement évidemment comme beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a réellement le choix ? Beaucoup de gens prennent les écoles en se disant tiens, c'est la meilleure, paraît-il, donc j'y vais, et malheureusement, ils ne réfléchissent pas suffisamment. Mais c'est la grande problématique. Enfin, pour moi, c'est une des grandes problématiques des écoles actuellement. C'est qu'on ne fait pas assez d'informations autour des écoles, autour du contenu et de ce qu'on pourrait appeler une politique d'école. Pour moi, ça serait évidemment intéressant que les écoles assument. Ce qu'elles font après, en fait, ce qu'elles font, mais ce qu'elles ne font pas dans leur image, alors je sais pas pourquoi, parce que voilà, c'est disons préciser leur démarche, c'est aussi s'assurer d'avoir des élèves, et en même temps c'est couper une certaine diversité d'élèves dans l'école. Si on informe moins, on a moins de surprises aussi sur le public qui vient dans l'école. Est-ce qu'il serait intéressant qu'un organisme comme le RECA par exemple fasse vraiment son travail qui est problématique, hein, parce que le RECA est payé évidemment par ces écoles là ouais. Mais d'un seul coup qu'il puisse avoir un côté un peu plus indépendant et oui, qui soit un temps pris pour aller c'est évidemment impossible de faire un compte rendu objectif, mais simplement, pourquoi sur le site du RECA il n'y a pas d'expérience d'étudiant ? Pourquoi on n'a pas accès à ça ? Enfin, c'est tout bête, hein, mais discuter avec un étudiant de sa perception de l'école, ça, et surtout discuter avec plusieurs étudiants de leur perception de la même école, ça donne quand même une meilleure idée qu'un résumé qui, malheureusement, pour l'instant, est mis par l'école sur le site du RECA. Évidemment, enfin, je sais pas si ils écouteront à un moment donné, les gens du RECA sont absolument les bienvenus à Bulle de Rêve. Et moi, ça fait des années que j'essaie d'inviter, je serais ravi de les avoir ici pour savoir quel est le travail exactement qu'ils mènent. Voilà, c'est pas. La critique pour la critique n'a aucun intérêt. Si d'un seul coup on n'apporte pas forcément les gens qu'on critique autour de ce micro, j'en serais absolument, bien sûr, le premier ravi. Le thème de l'argent. Forcément, quand on est un peu de gauche, en tout cas, on n'est pas vraiment. Voilà, on se dit c'est plutôt bien. Sauf que ça doit être aussi un peu effrayant de se dire il y a tellement de choses à dire. Ah, le problème, c'est l'argent en une minute. Ouais. Oui, parce que c'est un film d'une minute, en effet. C'était très vaste. J'ai l'impression de pas avoir fait ça correctement vis-à-vis. Pas en tant que film, vis-à-vis de mes opinions politiques, ça me dérange à cause de ça. Maintenant, voilà, c'est une expérience de film. Heureusement qu'on fait des films ratés. Ouais, qui n'est pas complètement raté non plus il y a 2-3 mois. Non, mais heureusement, disons que heureusement qu'on est insatisfait par rapport au film qu'on a fait, parce que voilà, ça oblige à faire un autre film après, en fait. Voilà, pour voilà, je me sens presque obligé maintenant de faire un film après sur l'argent. Réellement. Ah, je vous le conseille, hein, je le mettrai là, j'ai pas fait. Il y a un film qu'il faut ne pas louper de cette année sur l'argent, qui est le film de Léane. Merci beaucoup. À chaque fois, j'ai peur de me planter dans son nom. C'est comme Viviane, Henri, Beaujean. Enfin, tous les noms doubles. Déjà, j'ai du mal à me souvenir de votre nom en une seule fois. Donc, double, là, ça devient carrément. Qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle. Léa. Il me semble que ça se prononce comme ça. D'accord. Et qui est une espèce de coup de poing assez. Je pense qu'il faut pas. Non, j'en dirai rien justement. Je le mettrai sur The Wolverine. Mais c'est vrai qu'il faut absolument le voir. Sinon, vous tapez Léane Vivier, V-I-V-I-E-R. Chapas, C-H-A-P-A-S. Et Léane, j'arrive jamais à me souvenir si c'est L-E-A-N-H ou le H est avant le N. Je sais plus, je crois qu'il me semble. Ah, c'est ça. En tout cas, vous tapez Vivier Chapas Léane et vous tombez sur son Vimeo et vous tombez sur son 1 minute. Et je vous promets, c'est bien quand les films aussi sont notamment d'une minute. Ce qui est rare, vous. Ah, c'est ça vous fait quelque chose quand même à l'intérieur. Allez, petite pause musicale. Vous allez voir, elle est pas faite au hasard. Bah ouais, non, attention, je sais ce que je fais quand même. Faut pas croire. Hein. Normalement, il devait y en avoir plein d'autres comme ça. Là, vous allez entendre que 2-3 morceaux qui vont être. Vous allez comprendre. Enfin non, vous allez comprendre après qu'on va vous dire. On va écouter un court métrage. N'importe quoi. Vous allez comprendre. J'ai évidemment dit quelque chose qui ne va pas. Tout le monde est absolument mort de rire. Ariel, est-ce que j'ai dit un truc qui était bizarre? J'ai pas été très compréhensible, mais voilà, c'est ça. Non, c'était un truc. Donc voilà, c'est incroyable. Donc vous allez écouter un morceau d'un groupe qui s'est créé, en fait, qui s'appelait Love Edge. Et le morceau s'appelle Book of the Month. Je vous expliquerai un petit peu quel est ce groupe un tout petit peu après. Est-ce que tu le vois, Ariel? Génial. Book of the Month. Le livre du mois, Love Edge, L-O-V-A-G-E. Tu l'as ? Génial, merci. On revient juste après, ils vont m'expliquer ce que j'ai dit. A tout de suite. The riddle. Et voilà, toujours Bulle de Rêve. J'aurais dû prendre une voix beaucoup plus voilà, douce comme ça pour vous dire ça. Le groupe s'appelle Love Edge. En fait, c'est un projet musical de Dan The Automator. C'est là, les deux voix que vous avez entendues sont absolument incroyables, puisque l'une des voix est Jennifer Charles, sublime voix, et l'autre c'est Mike Patton. Mike Patton est connu notamment pour Face No More ou pour Justine. Elle a perdu d'un seul coup. Non, j'ai perdu le. Deux points. Et moi aussi, en plus, j'ai dit Justine parce que d'un seul coup, j'ai complètement oublié le nom de l'autre groupe de Mike Patton. Pourtant, c'est pas lui, Fantomas. Bastien. Si, Fantomas, merci beaucoup. Voilà, Justine a retrouvé. C'est, ça, c'est voilà, un très beau groupe. Et Jane Fields, évidemment, pour Jennifer Charles. Et vous avez aussi Damon Albarn, donc le créateur, évidemment, de Blur, de Gorillaz et de plein d'autres groupes, qui est sur cet album, qui est une espèce d'hommage un petit peu gainsbourguien, on va dire, de Dan The Automator, tous avec que ces morceaux. Donc il y a seul album qui s'appelle The Music, l'album pour faire l'amour à votre The Old Lady By. Donc voilà, pour faire l'amour sur cet album, un très bel album. C'est chic. Donc il parle de sexualité. Antoine, ouais. Est-ce que tu rebondis là-dessus? Sur la sexualité. Sur la sexualité, oui, bien sûr, comme ça. Non, on va pas trop en parler, on va revenir, il nous reste un peu de temps. Je voulais juste dire, c'est vrai que là, tu pars pour ta deuxième année, encore une fois, sans d'être trop parler du projet, là, plus sur un documentaire et sur la sexualité. Oui, sur la. Oui. Plutôt même, on peut le dire, masculine. Et moi, qui me paraît intéressant, ça veut dire qu'il y a cette idée que finalement, on parle assez peu de sexualité masculine, en fait, dans les médias, un peu partout d'ailleurs, en fait, on en parle assez peu. On se retrouve jeune, adolescent, quelque part, on se retrouve un peu seul devant. On est ou macho ou on sait pas trop quoi faire, quoi. Ouais. Je caricature, hein. Oui, c'est ça, en fait, on en parle, mais je pense que. Enfin, voilà, on en parle très peu bien, mais de sexualité en général. Mais c'est vrai que la sexualité masculine, je pense, manque de diversité, de représentation encore plus. C'est quelque chose. On est encore là-dedans, on est encore dans cette idée de, on l'a dit, d'individu par rapport à la société. Toi, c'est, alors, sans évidemment dire, t'es encore tout jeune, c'est quelque chose qui te paraît fondamental, finalement, de travailler dans ton cinéma, pour l'instant, en tout cas, dans ton envie. De l'individu. Ouais, puis d'être assez politique, mine de rien, en tout cas. Ouais. Politique dans le sens. S'insérer dans la société, comprendre cette société qui est autour de nous. C'est évident. En fait, clairement, moi, je vois pas un film qui n'a pas de message. Et donc, par principe, je préfère maîtriser le message. Voilà. C'est un peu la philosophie. Et du coup, voilà, oui, c'est évident que c'est une façon pour moi d'appréhender le monde. Et c'est une façon pour moi de placer des idées politiques. Mais aussi, je pense encore plus avec ce film-là, le but, c'est pas de livrer, surtout pas, c'est de livrer un état factuel des choses. C'est plus de, pour moi, le cinéma a ça de génial, c'est que ça provoque vraiment, ça parle de tout, et du coup ça provoque la discussion, ça peut provoquer la discussion sur plein de sujets. Et je pense que, enfin, c'est vraiment, c'est, voilà, ça fait partie de mes opinions politiques. C'est comme ça qu'on se construit, quoi, en discutant. C'est ça, il y a cette envie, ouais, de comment dire, J'avais un terme que j'ai évidemment oublié, c'est pas grave, on l'a dit qu'on improvisait. Non, c'est important, l'idée, par exemple, de faire un film et de pouvoir le projeter et que d'un seul coup de l'accompagner, c'est-à-dire de se dire, tiens, j'ai envie que des gens réagissent, j'ai envie. Ce qu'on a finalement, encore une fois, peu en court-métrage, finalement, cette idée de retour du public. Ouais, oui, c'est. Alors, évidemment que moi, ça m'intéresse, mais là, pour le coup, en tant qu'individu, d'être là à la discussion après, mais pas... Je sais pas si, en tant que réalisateur, c'est vraiment... c'est très, très important. Par contre, oui, en tant qu'individu, ça m'intéresse de, oui, savoir, je disais bien, ouais. De savoir complètement comment le film est reçu, parce que, simplement, ça m'intéresse d'échanger sur ces sujets-là et de continuer à construire, et surtout que le film soit pas une finalité et que... Ce que je dis souvent sur le projet là, c'est que si le film est raté, j'espère au moins qu'il donnera l'envie à d'autres personnes de faire un film pour dire à quel point ce film était raté. C'est l'un des grands débats qu'on a aujourd'hui par rapport à l'animation. Je reviens, on pourrait revenir sur ce point. Est-ce qu'on, même si un film est raté, c'est important qu'il puisse faire parler. Mmh. Justine, toi, ton film Fish Don't Need Sex. Je vais y arriver. Fish Don't. Mais moi, j'arrive pas à le dire non plus. Ah, c'est voilà, c'est dur. Faut dire aussi plus doucement. Il y avait l'envie là, par contre, de faire un film purement et dans le bon sens du terme, hein, sur la sensualité du rapport amoureux. Est-ce que la démarche d'Antoine t'intéresse aussi dans cette idée d'un seul coup de montrer une autre sexualité, là, qu'elle soit masculine? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle par rapport à ton premier film? Bien sûr, c'est pas parce que moi je fais plus des films qui travaillent la sensation que le discours, que je vais pas être intéressée par le discours de quelqu'un d'autre, et au contraire, ça donne envie aussi de refaire un film. Je me souviens qu'en première année, la base du film, c'était de faire un film sur la sexualité féminine, la masturbation. Et à un moment donné, je me suis dit, merde, j'aimerais bien faire un film sur la masturbation masculine. Et je me sentais désemparée face à ce sujet. Et je me suis dit, fais un film sur un truc où je me sens légitime de parler sur le sujet. Et du coup, je trouve ça vachement bien que quelqu'un... Est-ce qu'il y a une inquiétude, une angoisse quand on est dans l'animation, quand on va parler de sexualité? On sait bien qu'encore aujourd'hui, je le disais, hein, malgré tout, ça c'est quelque chose que les gens savent pas, mais enfin peu, on a encore, même s'il y a de l'animation alors pornographique, là on parle, hein, dans les années 20, dans les années 30, dès le début, enfin c'est assez rapide, mais aujourd'hui une expérience comme Sexperience, qui était donc là d'où est sorti le film Tram, par exemple, et une expérience qui où devait y avoir que des femmes, on va dire, auteurs, graphiques, réalisatrices, scénaristes, qui parlent de fantasmes sexuels féminins, et que des chaînes de téléjournaux ont encore du mal en disant on veut bien le faire en prise de vue réelle, mais en animation quand même c'est un peu gênant. Donc déjà, est-ce que vous vous êtes posé la question, et après on parlera d'une autre question par rapport à ça, est-ce que vous vous êtes dit toi tu l'as fini, toi Antoine t'es en plein dedans, tiens je parle de sexualité, ou vous êtes en plus jeune, ou au contraire vous dire non c'est le bon moment, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de montrer ce genre de choses? Justine, tu t'es posé des questions par rapport... Sur pourquoi j'utilisais l'animation et pas... Non, est-ce que le fait qu'on te pose des questions, qu'on te pose des questions par rapport à faire un film sur la sexualité... Non, on parlait tout à l'heure des films, du temps des films. Là, c'était un moment où je sentais que le film était... J'avais envie de faire un film sur ce sujet-là, et c'était le moment de le faire. Et tant pis si j'étais à l'école et que les profs allaient me poser des questions sur pourquoi tu fais un film de cul, ou... Enfin, c'est pas grave, quoi. J'avais envie de faire le film, et je me suis battue pour le film, et voilà, il existe, et je suis très contente. Antoine ? Je pense que ma plus grande angoisse par rapport au sujet, c'est d'être mis dans une case, et je vais en parler, c'est que mon point de vue, mais... La séance cette année à Annecy qui regroupe les courts-métrages autour de la sexualité dans une même séance, pour moi ça pose un gros problème. C'est-à-dire que on a décidé de rassembler ces films en une séance, et ça tue pas mal de ces films, je pense. D'abord la comparaison, et ensuite le fait de d'assembler des films qui parlent d'un même sujet et qui vont l'aborder de façon vraiment très différente. On va garder une impression globale de la séance, alors qu'on aurait pu apprécier les films dans une séance qui est un peu, enfin, qui les avait mis à part, ou qui les avait mis autour dans une séance avec d'autres sujets qui étaient abordés. L'idée de sexualité, alors là on en parle, alors là on va venir à ce que tu me disais par rapport à l'animation. Est-ce que d'un seul coup, évidemment, beaucoup de gens ont cette idée forcément de chair, de peau, qui est importante, de corps, quel qu'il soit, mais de corps faisant l'amour. Est-ce que quand on passe à l'animation, pareil, c'est qu'on se pose des questions sur... On en a déjà parlé, hein, sur la matière, sur ce genre de choses, ou non, on a d'un seul coup une envie de graphisme, on va dire, on a envie de visuel, on se dit, ok, c'est bon, là je fonce là-dessus et ça me plaît bien et ça va transmettre ce que moi je donne, ou au contraire, on se pose plein de questions par rapport à ça, Justine ? Moi j'avais mon graphisme, mais en tant que réalisatrice, j'avais besoin du corps pour travailler. C'est pour ça que la rotoscopie est arrivée et que j'ai travaillé à partir de corps d'acteurs que j'ai récupérés dans des films par-ci par-là, mais j'avais pas envie que ça se retrouve. Dans le graphisme final, enfin, on retrouve ces corps-là, on les sent, etc., mais on les C'est-à-dire que t'as pas besoin que la matière vibre forcément, t'en avais pas besoin. Il y a le papier qui vibre, mais j'avais pas besoin que ce soit plein de peinture ou qu'on sente quelque chose. Au contraire, j'avais envie d'un truc plus plat. Et... C'est ce que je disais, hein, quand je disais vibrer, c'était vraiment là d'un seul coup. En effet, souvent, on présente ça, l'une des grandes, évidemment, Florence Mihail, qui travaille l'érotisme, en tout cas la sensualité des corps, on va dire. Il y a toujours cette idée d'avoir cette matière qui ressort presque avec la peinture, etc. Et toi, comme tu le dis... Bah, tu même dans mes références, chose... c'était quelque chose de diamétralement opposé. Je voulais un érotisme glacial. Je travaillais avec un scalpel. Il y avait une sorte de métaphore filée dans ma manière de concevoir le film et de le vivre et de le créer. Après, est-ce que ça se ressent au final? Pourtant, le film est très sensuel. Bah, c'est ça qui est... Enfin, je le concevais très froid et en le faisant... Et en prenant un plaisir monstrueux à découper le papier, tout ça, ça s'est adouci. Et du coup, il y a une sorte de... Le film est bleu et finalement, il est très doux. Et c'est... Il y a une sorte de mélange qui s'est fait dans la fabrication, qui n'était pas là au début, et dans les intentions. Antoine ? Je pense, si je peux me permettre, je pense qu'il y a le mouvement. Enfin, il y a clairement la question du mouvement aussi. Je pense, en tout cas, quand on appréhende le corps, on ne peut pas rendre la chair, mais... Je pense qu'on a cette force en animation d'une maîtrise rythmique du mouvement qui peut apporter, je pense, quelque chose d'intéressant au sujet de la sexualité. Aujourd'hui, tu te poses par exemple ces questions. Est-ce que le graphisme l'a déjà mis en place ou non? Pour l'instant, tu travailles encore un petit peu? Non, je travaille encore beaucoup le graphisme. C'est pas pour moi, c'est pas quelque chose que je peux poser. Donc voilà, c'est encore à chaque étape, il faut qu'il y ait un enjeu. Donc c'est pas quelque chose que je peux poser avant d'avoir posé les étapes précédentes. L'idée des multiples voix. Encore une fois, pour l'instant, oui. on est beaucoup. C'est rare. C'est un work in progress. Oui. Voilà, d'un court métrage. Mais c'est même pas là, l'idée d'avoir plusieurs voix. En tout cas, pour l'instant, dans ton approche scénaristique du film, oui, que ça soit à la fin documentaire, une fiction, autre chose, mais en tout cas, était vraiment important. D'avoir toutes ces voix que tu essayes de capter, les gens que tu interviews comme oui, ça. Oui, je suis encore dans la captation, donc je me pose évidemment encore des questions par rapport à ça, mais la diversité des voix, c'est la diversité des points de vue, et pour le coup, c'est une importance. On revient au film politique, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en faisant les premières interviews qu'à beaucoup d'entre nous, ce qui avait manqué, c'était cette diversité des regards. Le but ici, c'est de rendre compte d'une diversité qui sera pas exhaustive, mais qui montrera qu'on est tous différents et que c'est normal qu'on soit tous différents. J'aimerais revenir à une petite chose, Justine, par rapport à on a souvent parlé de cet auteur-là, qui est George Schwitzgebel, et ce côté presque mathématique à George Schwitzgebel de travailler, hein. C'est très étonnant quand on voit tous ces travaux préparatoires. Alors bon, t'es toute jeune pour l'instant, mais est-ce qu'il y a ce plaisir de travailler mathématiquement quasiment au niveau du tournage et puis voir ce que ça va donner peut-être finalement? Alors, en fait, une fois que les images sont finies, c'est assez paradoxal, mais une préparation très mathématique ouvre un champ d'improvisation incroyable une fois qu'on est sur le tournage ou qu'on est dedans. Et c'est pas parce qu'on est très mathématique dans sa manière de concevoir le film qu'on va pas s'autoriser de... Au contraire, je me sens assez malléable avec ce truc mathématique que j'installe à chaque fois dans mes films. Et ça bouge peut-être pas beaucoup, mais ça, tout est tout le temps en mouvement. Mais c'est surtout l'idée de poser un cadre et de vraiment improviser à l'intérieur de ce cadre et de se laisser aller... Je sais pas si je... Si, bien sûr. Si, tu dois travailler sur autre chose que banc-titre. T'es déjà parti sur d'autres... Parce qu'il y a cette idée, comme tu dis, de cadre. Et le banc-titre est parfait pour avoir ce cadre aussi très... Peut-être le volume. Ouais. Donc de basculer le banc-titre à 90. Mais non, j'aime bien la feuille de papier aussi. Le crayon, l'encre. Là, j'ai redécouvert la plume. Je suis juste extatique... sur les jeux du trait, de l'encre qui bave. Je trouve que c'est incroyable. Et même une feuille de papier, c'est un cadre aussi. Et c'est juste incroyable tout ce que tu peux faire juste sur une feuille de papier. Où tu peux travailler toutes tes images et... Je sais pas, Mais pas l'ordinateur. Ça, mais pas le cas de l'ordinateur. Est-ce que vous posez, toi t'as fait ton film de fin d'études, on va faire une petite pause, une dernière question à tout le monde, est-ce que vous posez des questions? Non, c'est drôle parce qu'ici on a quelqu'un qui n'en fera plus, enfin à moins qu'elle décide de faire une école, un qui est en train de faire son film de fin d'études et une autre Marie-Lou dont le film de fin d'études est encore ça va, dans 2 ans et demi, mais est-ce qu'on se pose la question, souvent je pose la question ici, est-ce qu'on se pose la question du film de fin d'études et de se dire ok, il faut que je fasse un film quand même qui me permette de travailler ensuite, est-ce que toi par exemple Marie-Lou, t'as déjà une idée du film, elle fait des grands noms, hein, je peux vous dire de suite. Est-ce que c'est quelque chose que tu te poses déjà comme réflexion, ah mon film de fin d'études va être important ou non, ça, tu développes et puis tu verras bien. Enfin, en fait, je sais pas que je me pose la question moi parce que ça m'inquiète, mais le fait que tout le monde en parle, forcément, t'y réfléchis un peu ou alors tu prends ce que disent les gens et ça a l'air d'être important. Pour l'instant, moi, je m'angoisse pas trop avec ça, mais ça a l'air d'avoir son importance aux Arts Déco. En même temps, tu fais que ça pendant un an, moins de travailler à côté. Donc forcément, passer un an sur un projet, ensuite, on a tendance à savoir que tu sais faire ça, et voilà. Mais tu te poses pas, pour l'instant, il n'y a pas forcément cette idée que ce film doit te servir par la suite pour trouver du boulot, pour ceci ou pour cela. Je pense qu'il va servir un peu à ça, hein. Mais je ne sais pas comment encore. Antoine, c'est pareil. C'est encore plus différent. La Poudrière, c'est vraiment... Les films de fin d'études, ils sont importants. C'est une des écoles qui marche le mieux au niveau... Là, j'en parlais, Bru, 8 films sur 10 en sélection. Ça marche vraiment bien. Je suppose que là, c'est un peu différent, non? En plus, toi, c'est sur... On n'a pas dit, pour ceux qui ne savent pas, hein, pardon, mais La Poudrière sur 2 ans, alors qu'évidemment, l'ENSAD est sur au moins 4 ans, voire 5 ans. Donc forcément, on n'est pas dans la même temporalité. Alors, c'est un peu compliqué comme question, parce que je ne considère pas le film de fin d'études comme un faire-valoir pour mon travail d'animateur. Par contre, évidemment qu'il prépare la suite, mais il prépare les prochains films. Il prépare pas... Disons que je le vois pas comme une occasion de trouver du travail avant tout, mais une occasion d'avancer dans la création des films avant tout. Enfin, des films suivants. Et évidemment, voilà, ce projet, j'ai envie de le continuer au-delà de l'école, autour de la sexualité masculine, parce que le film, pour moi, ne pourra pas prendre tous les enjeux de la question. Donc, c'est important, je pense, de continuer après sur ce projet. Mais voilà, je le vois pas en me disant ça va y avoir une suite. Au sens, je vais trouver du travail, mais va y avoir une suite, parce qu'il faut qu'il y ait une suite à ça, quoi. L'un des points forts de La Poudrière, c'est le travail de la narration. On peut vraiment le dire, ou il y a autre chose. Moi, j'ai vraiment cette impression-là que, d'ailleurs, ce qu'on dit souvent, Laurent Pouvaret, directeur pédagogique, dit, quand je lui dis, mais il n'y a pas de films expérimentaux, et il dit bien, c'est pas qu'on empêche, mais c'est qu'il y a un tel... Enfin, il suppose, il dit, mais il y a beaucoup de travail sur la narration, beaucoup de gens vont plutôt vers ça. C'est pas qu'ils... Non, évidemment, on n'a pas l'interdiction de faire ces films-là, mais c'est assez évident quand on voit les intervenants qui viennent sur l'année que dire je fais un film abstrait, par exemple, a peu d'intérêt parce que voilà, on rencontre d'abord une scénariste, ensuite des intervenants en storyboard. Enfin, je veux dire, c'est une chaîne très classique de création de films. Et dire je fais un film abstrait, par exemple, et un film peut-être expérimental au sens large, au sens un peu plus large, c'est ne pas profiter, on va dire, de ce qu'amène l'école. Donc à ce compte-là, pourquoi le faire à l'école? Parce qu'en plus, ça pose quand même des contraintes qui sont la durée, le fait d'avoir des intervenants qui sont pas habilités à travailler sur le film, vont nuire certainement plus au film qu'autre chose. Le fait de faire en effet que 3 minutes, en tout cas d'être dans cette... On y réfléchit évidemment dès le début, c'est vraiment quelque chose... Non pas qu'un film expérimental ne puisse pas faire 3 minutes, hein. c'est simplement que... Enfin, c'est pas la première chose... Enfin, moi qui ai des projets de films expérimentaux, je me dis pas, celui-ci va faire 3 minutes. Je me dis, je vais faire ce film avec cette technique, on verra au montage ce qui est intéressant dans les expérimentations qui ont résulté du truc, quoi. Il y avait plein d'autres choses, on va faire une nouvelle pause. Alors j'avais choisi plein de choses, mais donc normalement on pouvait écouter Brin de 23000, un groupe canadien un peu barré comme ça, le faire. Non, on va pas écouter ça finalement, tu vas voir Ariane, mais je vais te le dire, tu vas voir, c'est une espèce de progression comme ça, donc on n'écoutera pas ça. Pourtant c'était aphrodisiaque, on était encore dans l'idée de sexualité. On aurait pu écouter Prince avec Darling Nikki, qui parle évidemment là aussi de masturbation, notamment féminine, et puis d'une femme qui lui amène plein d'objets, trucs comme ça, enfin bon, un truc complètement hot que j'aurais pu. On va rester dans quelque chose de plus léger, et à la fois que j'aime beaucoup, parce que c'est l'un des auteurs français les plus intéressants qu'on ait eu au niveau évidemment de la chanson, qui invente pas le rap, mais en tout cas voilà, cette idée de déclamer comme ça, presque plus de chanter, et qui réussit à mettre plein de trucs sexuels comme ça, mine de rien. La chanson s'appelle Comprends qui peut. Ariel ne la trouve pas. Attendez, regardez, on va faire ça en direct. Est-ce que vous m'entendez ? Non, vous m'entendez plus parler un petit peu. Non, alors Alexis se déplace. Vers la cabine. Et regarde, il dit bonjour à quelqu'un dans le couloir. C'est là, ils m'entendent là ? Il est pas. Ils m'entendent ? Alors là, voilà, je suis passé dans ce côté. Alors là, je suis du côté de la réalisation. C'est un peu exceptionnel ce que je vis. Parce que vraiment, normalement, personne ne peut le vivre. C'est Ariane nous oblige à rester en dehors. À jamais. Et je vais. Et c'est celle-là, c'est Comprends qui peut. Et c'est Bobby la pointe. Comprends qui peut. C'est juste elle, en plus, t'étais dessus. Donc c'est parfait. D'accord. On clique dessus. Ah, je l'ai pas vu. C'est pour je pense. Bon, okay. Allons-y. Gabriel. Allons-y. D'accord. Encore tout. Allez, vas-y. Et c'est moi qui la lance en plus, vas-y. Regarde. Vas-y. Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur d'intelligence. Il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Goût record d'athlète, je pose ma main sur son gros bras que marre. Rive-t-il, ça fait-il, il me susurre le curieux refrain. Tiens, voilà du boudin. Et puis en roulant les airs, oh le grand Nico, il me dit je vais te faire. Fameux coup du légionnaire et du sable chaud. Dans la légion étrangère, j'aime son heureux caractère. Toutes ses affaires, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut. Que mon Marcel, ça n'est qu'un manuel. Elles connaissent rien, y a pas que ses mains qui font des choses bien. Puis d'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de savoir qui est Marcel. Quand mon Marcel, il me harcèle. Marcel me harcèle. C'est comme s'il avait de vie. N'est-ce dont j'ai envie? Je dirais même qu'il a si vie. Goureux appétit que je jurais parfois qu'il a divine. Qu'il a divinement fait tout ce qu'il faut faire pour mon compte. Oui, mon contentement, il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Goût record d'athlète, j'aime son heureux caractère. Toutes ses affaires et c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour. Comprends qui peut ou comprends qui veut. En direct, c'est en train de parler, film abstrait, et qu'en effet, de la complexité finalement de faire, c'est vrai qu'on aurait pu en parler, hein, de oui. L'idée de l'abstraction et est-ce qu'il faut. Je pense que, comme toujours, c'est aussi une question de cinéma. Il y en a qui vont préférer avoir une grille déjà très particulière, même sur un film abstrait. D'autres, comme tu disais, vont vouloir faire plein d'expérimentations, ensuite voir. Oui, voilà, c'est une question de démarche. Mais évidemment, qui est passionnante. Encore une fois, on en est, qui est un peu notre problème en animation, et que moi, qui est quelque chose qui m'importe, cette idée de diversité, qu'on n'a pas encore suffisamment, cette idée même d'un seul coup, j'ai toujours l'impression, encore aujourd'hui, qu'on a des oppositions entre moi j'aime Disney et Pixar, et puis moi j'aime McLaren et Len Lai, et comme si on pouvait ne pas aimer, évidemment, on peut aimer les deux, on peut aimer certaines choses de McLaren, certaines choses de Disney, etc. Il faut toujours qu'on ait une opposition, on parlait tout à l'heure d'intellectuel. Voilà, il y a un côté un peu positionnant, ouais. Mais qui est positionnement en opposition et non pas forcément en compréhension de l'autre. Je pense que ça vient aussi du manque, pour le coup, de diversité de critiques dont on parlait au début de l'émission. C'est-à-dire que le souci, c'est que nous, on est obligé de se positionner comme ça en tant qu'auteur et que c'est intéressant dans un travail d'auteur. Voilà, pour que ça soit vraiment intéressant. En termes de considération de films et d'histoire du cinéma d'animation, par exemple, il faudrait qu'il y ait un vrai travail de critique et une diversité de points de vue critiques. Vous vous sentez bien dans le monde de l'animation tel qu'il est aujourd'hui? Waouh. La question super dure. Non mais c'est, est-ce que c'est un monde qui, dans la création que vous avez envie de faire, vous semble un monde qui répond à vos désirs, on va dire, de création, ou vous dites ben des fois je me sens un peu en décalage ou etc. Antoine, on va laisser. Alors, moi je considère que c'est un monde qui est quand même, enfin on a de la chance, qui est quand même assez malléable, et en tout cas alors ça dépend des domaines pour le coup. Je pense que le court métrage est un endroit en animation où voilà, on a quand même une grosse liberté et on peut assumer des positions très fortes. En série, en long métrage, ça me paraît plus compliqué. Et encore, ça dépend du type de production. Mais je pense que, par exemple, en série, il y a peut-être quelque chose là qui, en ce moment, va venir du web, qui va peut-être commencer à poser des questions sur la forme. Donc, c'est intéressant parce que c'est, je pense, en pleine évolution avec Internet. Entre parenthèses, précipitez-vous, il va y avoir une rencontre à Bru, peut-être animée, je ne sais pas, la petite photo sur V4.1, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, sur les séries pour adultes, justement, et voir si c'est des personnes qui ont des positionnements, c'est des pitchs, même de séries pour adultes, donc en effet, l'idée de se positionner aujourd'hui. Je vais encore faire de la pub pour Folimage, mais actuellement, une série qui est développée là-bas et qui s'appelle La Quatrième Planète est quand même un projet qui est plus qu'intéressant, enfin, c'est... voilà, qui apporte un renouveau. Un ancien de la Poudrière aussi, deux anciens de la Poudrière. Et je me permets de dire que c'est un projet cross-média, donc qui s'inscrit sur plusieurs plateformes qui s'influencent. Et c'est, enfin voilà, c'est un beau projet et qui, je pense, a compris pas mal des enjeux aujourd'hui. Enfin, en tout cas, se pose les bonnes questions sur le monde de l'animation aujourd'hui. Marie-Lou, Justine, vous avez une réflexion par rapport à cette idée d'être bien ou pas bien dans le monde de l'anime par rapport à votre création? Est-ce que vous dites, là je suis tranquille en tout cas, je peux trouver des intervenants, des gens qui vont parler, des producteurs, des gens qui vont permettre de continuer à faire mon cinéma? Elle se regarde toutes les dents en disant, bon, qui c'est qui commence? Moi je veux bien dire, mais en fait, vu qu'il me reste, enfin j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup de temps dans l'école encore, j'ai pas l'impression d'être dans le monde de l'animation. Ouais. Donc. Même s'il y a pas mal de professionnels qui ouais, sont là, etc. Mais ouais. En fait, les trois principaux ne parlent pas de leur travail, enfin, sauf si on leur demande, hein, mais en général. Et donc, on a un peu l'impression d'être en dehors du monde de l'animation professionnelle et d'être juste à l'école, dans la section animation. Donc, du coup, ça m'a un peu coupé du monde de l'animation. T'es pas venu à Annecy, en plus, t'as pas pu venir à Annecy cette année, etc. C'est, c'est important quand même de temps à autre de. D'être dans le petit milieu pour ouais, toi. Ouais. Ben, je pense, oui. Ben, sinon, on est un peu largué. Justine, toi, tu quand tu dis ça, c'est... J'ai pas tant l'impression d'être rentrée dedans plus que ça. J'avance mon cinéma tranquillement, tout ça, et j'ai pas encore fait mon premier dossier CNC, j'ai pas encore envoyé mes premières demandes d'aide. Donc je sais pas trop, j'ai l'impression d'être encore à la bordure et je regarde, je vois comment ça marche, tout ça, mais j'ai pas encore. Le fait là, d'aller dans un gros festival pour Paris qui est Bru, en tout cas pour nous, hein, pour la France, et avec un film qui est en sélection, c'est quelque chose qui est important, qui a un pas, qui est partir sur autre chose. Mais après, avoir un film en sélection et être à l'intérieur du monde de l'anime pour faire ces films, je sais pas, c'est pas pareil, je trouve. Ouais. Donc, mais ça, j'avais déjà avec mon film que j'avais envoyé en festival, les retours de festival, voir son film projeté, c'est vraiment, enfin c'est très réjouissant de voir son film, enfin que les gens puissent voir son film, je le dis bien, que les gens puissent voir le film qu'on a fait. Mais ça a rien à voir avec le fait de se sentir à l'intérieur du monde de l'animation et de, enfin, ouais, c'est ça, de faire des dossiers, de parler à des producteurs, d'avoir des équipes. Sentir encore un petit peu en dehors. Ouais, mais je trouve que je sais même pas si j'ai forcément envie de rentrer complètement. J'ai l'impression qu'il y a certains projets qui ont pas du tout envie de passer par le. Qui ont juste envie d'être faits par moi dans mon salon, et d'autres projets où je fais ah non, ça, j'ai envie d'avoir une équipe derrière moi, et du coup, je pense qu'il y a des projets qui se feront à l'intérieur du monde de l'animation et des projets qui se feront à la bordure. Alors, par rapport au monde de l'animation, peut-être que le mot était aussi très large. Ouais, est-ce que vous ressentez le justement ce peut-être quelque chose qui a changé pendant longtemps. Les gens de l'animation faisaient leurs films quasiment dans leur cave, seuls en tout cas, quasiment. Il y avait tellement peu de monde qu'il y avait le CNC qui tombait, pas à tous les coups, mais en tout cas assez régulièrement, et qu'on avait ou Arte ou Canal+, enfin voilà, pour schématiser un peu, alors qu'aujourd'hui on sait bien évidemment que c'est différent. Est-ce que ça vous le ressentez aussi dans votre réflexion sur, parce que vous êtes tous les trois, alors je sais pas Mario, mais je pense aussi plutôt dans l'idée du court-métrage, dans ce que vous faites, même si... pas forcément contre un travailler, on en a parlé souvent dans la commande ou dans les clips par exemple. T'as travaillé sur un clip par exemple récemment et tout, donc il y a ça, mais est-ce que... C'est toi qui dis que par exemple à Annecy il y a plusieurs familles de l'animation et que quand on va à Annecy on croise pas tout le monde. C'est la sensation que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens à l'intérieur du monde de l'anime que je croiserai jamais, parce qu'ils sont tellement loin à faire de la série que moi j'arriverai jamais à faire, parce que je me sens pas du tout capable d'être en studio, que je regarde ce qu'ils font tout ça, mais il serait très rare qu'on se croise un jour et qu'on travaille sur le même projet. Donc vous ressentez ça, Antoine par exemple? Moi la Poudrière c'est un peu différent, c'est-à-dire que je rencontre, grâce à l'école, je rencontre ce monde-là. Je rencontre le long métrage et je rencontre un petit peu le long métrage et je rencontre les séries. Et c'est intéressant de savoir comment ce monde pense l'animation aussi, parce qu'en fait ça amène des enjeux très très différents, et ça, je pense que ça peut, enfin voilà, ça peut nourrir une réflexion autant que le court métrage. Et pour moi c'est un problème, ce cloisonnement qui ouais, existe. Sauf que alors c'est ça qui est étonnant à une époque, alors, juste une petite question, on reviendra là-dessus, ouais. L'exercice d'adaptation d'un livre, ouais, pour jeunesse que vous avez en série et tout, a été, ouais, quelque chose pour toi de te confronter encore une fois à un autre style d'écriture? Alors ça c'est très intéressant, parce que cette année à Poudrière c'est la première fois qu'on est autorisé à faire une web série à concept original, et on a fait quasiment tous, à part une équipe qui a un peu travaillé d'après des livres, mais quasiment tous des web séries à concept originaux, et du coup voilà, ça par exemple, ça fait penser des projets qui sont, pour moi, qui sont à la rencontre du monde de la série et du court-métrage. C'est-à-dire que, enfin, la web-série, c'est un endroit où on peut quand même avoir... Enfin, dans les projets cette année, il y avait... Je vais me permettre de parler de leur projet. Il y avait quand même une co-girl qui avait un poney transsexuel. Et donc, c'est les aventures de cette co-girl avec un poney transsexuel. Donc... Enfin voilà, c'est ça chamboule le monde de la série comme on le connaît maintenant. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que l'une des forces aussi de l'école à Poudrière, c'est d'être à l'écoute finalement de ce qui se passe dans le monde de l'animation? D'être à l'écoute, et là pour le coup presque en avance, parce, ouais, que voilà, le retour qu'on a eu de beaucoup de producteurs, c'était évidemment on va pas produire ça maintenant, mais c'est intéressant parce que voilà, c'est une forme de... une des formes de futur de cinéma d'animation. Et en fait, le gros problème pour l'instant de cette forme, c'est de la penser en termes économiques, comme toujours. Et donc voilà, ça pose des questions. Parce que pour l'instant, les web-séries qui existent sont faites dans des économies qui sont parfois pas des économies, quoi, qui sont juste faites à perte ou sur le temps libre des gens qui y travaillent. Tu disais qu'il y avait un problème de frontières dans l'animation. Et pourtant, pendant longtemps, dans le monde de l'animation, il y a très peu de frontières. Les gens de la série travaillaient sur du court métrage, les gens du court travaillaient sur de la série, et même au contraire, on pouvait quasiment, ouais, jamais travailler que sur, à part quelques rares auteurs, sur du court métrage. Je parle en termes de réalisation, hein, d'accord, aussi, parce que évidemment, en tant qu'auteur de court métrage, on est quand même amené pour manger, à travailler, voilà, sur des projets qui sont pas à nous, qui nous plaisent pas nécessairement. Parce que c'est peut-être intéressant. Excuse-moi, je ne, oui, sais pas bien, mais ce qui se passe aujourd'hui, et ce que disait juste à l'instant Justine, finalement, de se dire qu'aujourd'hui, peut-être, on va faire que du court-métrage, et puis à côté de ça, on fera de la commande, hein, bien évidemment, mais peut-être plus des affiches, mais peut-être encore, plus des shows, enfin... Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça soit pas ça soit pas juste comme ça ou juste comme ça, c'est que y a des gens qui ont un parcours, voilà, que Justine se dessine un parcours qui ne croisera certainement pas le monde peut-être du long métrage d'animation, et en tout cas de la série d'animation. C'est très très bien, parce que ça, voilà, elle va avoir une vision elle va pouvoir approfondir cette vision plutôt du côté court métrage, et en même temps c'est intéressant qu'il y ait des gens qui fassent du court métrage qui amènent leur vision dans la série, enfin voilà, bien et sûr, des, oui, gens qui viennent de la série qui... Enfin voilà, je pense Voilà, je pense que des gens peuvent aussi apporter des principes, par exemple de technique d'animation, de façon de penser l'animation, de la série au court-métrage pour renouveler la forme aussi. Mais je pensais même, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, même peut-être inter-art, on va dire, c'est-à-dire d'un seul coup de se dire, tiens, je vais faire, aujourd'hui on sait bien, même si moi j'ai toujours dit c'est le cinéma qui m'intéresse, aujourd'hui l'animation déborde largement et qu'en effet la danse contemporaine a des liens très très forts bien sûr avec l'idée de mouvement, donc de l'animation. On va en avoir, on a parlé ici, on en reparle un peu. Je suis en train de lire là, le livre qu'a fait Franck Dion, enfin qu'a illustré, on va dire, Franck Dion. Donc c'est un autre style. Il y a des BD, des motion BD comme on dit, etc. Et d'un seul coup, c'est ça qui est étonnant finalement. Est-ce que vous pensez, pour vous, peut-être l'une des dernières questions, parce qu'il est déjà 54, on pensait qu'on allait avoir du mal à faire les 2 heures. On a fait ces 2 heures. Est-ce que c'est ça le futur aussi de l'animation? C'est finalement ne pas rester que cloîtré dans le cinéma et en tout cas d'être partout. Vas-y. Je sais pas, moi ça permettrait que plus de gens s'y intéressent, d'en voir plus souvent ailleurs. Et après, pourquoi pas de préférer un genre d'animation. Justine, toi cette idée, toi par exemple. Je pense que c'est pas tant exporter de l'animation, mais c'est plus ma pratique du cinéma. J'imaginerais bien que dans mon art, je puisse déborder sur l'architecture, ou que je puisse déborder sur la danse contemporaine, ou que l'improvisation de comédiens vienne intervenir. C'est plus dans ce que je veux faire de mon art. Est-ce que je vais le diriger vers le cinéma, si je veux le continuer dans l'animation, ou si l'animation va être juste un des matériaux ou des outils que je vais utiliser dans ma création. Enfin, c'est plus ce genre de questions et d'interrogations. Est-ce que tu t'en sens? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui il y a ces chemins qui sont possibles, ou est-ce que pour l'instant là ce que tu dis c'est une envie que tu aurais en espérant, ou tu dis non, tu vois déjà des possibilités Non, enfin j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a en ce moment dans l'animation. Un film comme The Last Bust qui est complètement à la traversée des chemins, le collectif Babouchka qui flirte avec les installations. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ce terreau et ce dynamisme là en animation, mais dans un certain pan de l'animation ou dans certaines personnalités ou dans certains collectifs ou groupes qui vont réussir à amener l'animation, enfin pas ailleurs, enfin qui vont juste utiliser l'animation comme un outil pour faire des choses et bricoler des trucs et qu'il va se passer des choses, quoi. Antoine, Pour moi il y a aussi surtout un média qui est en train de commencer à être pensé et qui va, pour moi en tout cas je pense, apporter beaucoup au monde du cinéma, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire que maintenant, on commence à penser des narrations qui sont autres que linéaires. On commence, et il y a des expériences qui commencent à être faites, par des gens qui commencent à penser le jeu vidéo comme un art, et qui donc commencent à voir quelle est sa spécificité. Et je pense que il y a quelque chose qui va nécessairement influer et le cinéma d'animation et le cinéma qui va venir de là. Et moi, par exemple, ça m'intéresse énormément d'écrire pour le jeu vidéo. T'as déjà commencé? T'as déjà des pistes ou non? J'ai commencé par exemple un petit scénario pour quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du jeu vidéo avec du choix, quoi. Est-ce qu'on va terminer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait... On a fini ces 2 heures, bravo, merci beaucoup à tous les trois, parce que, évidemment, je vais remercier aussi Ariel qui est là, mais c'est vrai qu'on est arrivé en se disant, est-ce qu'on va réussir à faire ces 2 heures? On fera qu'une heure dans ce cas-là. J'avais prévu, pour tout vous dire, des pistes absolument étonnantes, un morceau de Bill Evans qui s'appelle Alice in Wonderland, qui fait plus de 7 minutes, Jambinai, grosse groupe coréen, 7 minutes, je me suis dit, on sait jamais, si jamais on n'a pas suffisamment à dire, et finalement on a réussi à dire. Avant de finir, je vais te le dire, donc tu vois, on va finir par Kansas City Stomp, donc il fait 3 minutes, mais on pourra le chointer un petit peu si pour l'émission d'après, hein. Mais tu le vois, hein, je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière. Ariel la regarde. Est-ce que tu la trouves? Est-ce que vous avez quelque chose sinon vous à... Je vais refaire comme ça, on est un peu dans le truc. J'aime bien cette idée de me retrouver derrière dans Alexis se redirige vers la régie. Par exemple, c'est bon, génial, merci Ariel. Est-ce qu'Antoine, toi tu je sais pas, il y a un petit mot qu'on n'aurait pas dit ou des choses comme ça. Juste pour terminer, alors là, vraiment, c'est rapide. Hein. N'oubliez pas, on change d'heure ce soir. Pour moi, il faut faire des films. Voilà. Ok. Amen. Il faut faire des films. Plein de films. Merci beaucoup, donc Marie-Lou, Justine et Antoine. Merci infiniment d'avoir été là. Merci beaucoup, Ariel. Merci, Alexis. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour parler, donc toujours avec Ariel, de cinéma. On la met en ligne ou pas cette émission? on s'est demandé à un moment donné, on s'est dit est-ce qu'on va la mettre sur The Web Anime? Elle est en ligne sur Radio Libertaire tout le temps, mais moi je la récupère et je la mets des fois pour les gens de l'animation qui ne viennent pas, sont un peu flemmards, ils ne viennent pas jusqu'à Radio Libertaire, ce qui est pas bien. Je leur dis, mais voilà. Seulement en discuter. Allez, moi je trouve qu'elle est intéressante et qu'on peut la mettre en ligne. Merci beaucoup à tout le monde. On finit avec un groupe dont je vous ai rabattu les oreilles qui s'appelle le New Quartet. Vous savez, j'ai un trou de mémoire, j'ai mis deux fois. Avec un morceau de Jerry Roll Morton, c'est Kansas City Stomps. Derrière, vous allez entendre trois personnes, et notamment au banjo, il y a un type qui a un nom que j'aime bien, en tout cas qui m'intéresse. C'est mon frère, comme d'habitude, je vous embêtais avec. Donc c'est Félix, et qui a eu 30 ans, voilà, qui fête ses 30 ans là en fin de mois, mais là qu'il les fête ce soir. Encore un très bon anniversaire à lui. Puis ben, je dis, je fais pas ça parce que c'est mon frère, mais juste, moi, j'avoue que j'aime bien ce qu'il fait. Et on finit avec un peu de jazz. C'est plutôt pas mal. À très vite. Bye bye.